Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Véronique Mire sera de retour pour nous renseigner sur la lettre H dans le Véronictionnaire. François Landry viendra nous jaser de politique dans sa réputée chronique Logocratie 101. Et on se fera un potluck de co-animateurs avec la bouffe et la malbouffe de la semaine. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 13 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est en direct des studios de Sifo à Trois-Rivières et les routes aujourd'hui, hein? La météo, puis la neige. Snowpocalypse 2014. Tu conduis même pas. Non, je sais. T'en as tellement rien à cirer. Aucunement. Aucunement. Mais quand même, ça, c'est beau dehors. C'est beau. Mais oui, il fait super beau. J'ai eu aucun problème. Non. Donc, bienvenue à cette émission. Partie de bonheur, au pire. Aujourd'hui, on a François Landry à 8h30 avec sa chronique Logocratie 101. On va aussi avoir la bouffe de la semaine en dernière demi-heure. Toi et moi, bouffe et malbouffe. Yum! Pour se compléter, se balancer, s'équilibrer. On a aussi un bloc sur UQTR en spectacle 2014. On va recevoir les gars de Mimi van der Loo. Le groupe qui va être en prestation ou un spectacle. Voici, je me serais arrangé. Non, ben quoi. Moi, je trouve ça très joli, tout ce que t'as là. C'était du sarcasme. Je suis super bien habillée. Pour Mimi van der Loo. Non. Okay. Pour la vie en général. Ah, voilà. Mais on va commencer avec Véronique Mire à l'instant. Salut, Véronique. Hello. Ça va, hein? Eh oui. Combien de temps ça fait qu'on t'a pas vu? Je pourrais pas te dire, hein? Un mois et demi. Bon mois, là. Facilement un mois. Ouais. Mais bon, t'es de retour en forme et de retour avec une lettre très chargée. Mm-hmm. Donc voici le Véronictionnaire. C'est le Véronictionnaire avec Véronique Mire. Oh oui, oh prochaine fois, je vais apporter mes bottes à gling, gling, gling. Faudrait un mot qui commence par H pour ça, des bottes... Hinga-hanga. Oui. Donc, lettre H, première partie. Première partie, oui. La dernière fois, en plus, j'y pensais, on s'est souhaité bonne année, tu sais. Oui, ça fait début. Quand même un bon bout, là. 2014. Mais là, bon, voilà. Me voici, lettre H, partie 1. Alors, on commence avec question de temps. L'horloge. Oh, tic-tac, tic-tac. Oui. Tic-tac. Non, on parle pas de non, ça. Non, c'est pas bon, ça. Ah, passons. Donc, l'horloge, hein, dès la préhistoire, en fait, l'homme a toujours voulu mesurer le cours du temps, le passage du temps. Et il ne pouvait se fier que sur un astre présent dans le ciel qui est le... Vénus. Oh, non. Neptune. Mais le soleil. Le soleil. Ah, oui, là. Le soleil. Donc, évidemment qu'à l'Antiquité, ben, on a tenté vraiment de régulariser le cours du soleil en créant le cadran solaire. Donc, la première horloge, si on veut, qui a été inventée. Ensuite, les Grecs et les Romains se servaient d'horloges à l'eau. À l'eau? Oui, des horloges à l'eau qui fonctionnaient avec de l'eau ou appelées aussi des clepsydres. Ah, ça me dit quelque chose, ça, des clepsydres? Ah oui? Comme dans Fort Boyard. Ah! Ben oui, exactement, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est le même principe que le sablier, c'est juste que c'est de l'eau. Donc, évidemment que c'était pas très fiable, hein, parce que, bon, on savait pas jusqu'à à quelle vitesse exactement. Mais j'imagine que quand il fait froid, ça biaise les données. C'est de la slush. C'est ça. Oui, fait que c'était pas plus ou moins fiable. Dans le temps des villes médiévales, ben, il n'y avait que les institutions civiles et religieuses qui pouvaient marquer le cours du temps, elles, grâce aux cloches dans les églises. Mm-hmm. Donc, les paroisses, les villages, eux, ne pouvaient compter que sur les cloches pour savoir, bon, quand la cloche sonne, ça veut dire telle heure, on retourne chez nous. C'est la récré. Personne n'avait d'horloge à la maison, c'est ça. Ensuite, au 17e siècle, Galilée, donc mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien, invente le pendule oscillant qui conduira avec les apports de Christian Huygène et Salomon Coster, d'autres mathématiciens et compagnie. Ben, en fait, Huygène est mathématicien, astronome, physicien néerlandais et Salomon et horloger hollandais. Eux vont inventer le pendule à balancier qui va rendre les horloges plus accessibles dans les foyers, mais encore dans les foyers des riches, hein, parce que c'était des horloges ciselées, vraiment très, très grosses. Donc, Huygène va ensuite inventer le ressort à spirale en 1675 qui permet de supprimer le balancier puis de réduire la taille des horloges. Donc, elles deviennent plus abordables. On en voit de plus en plus dans les maisons de tous les gens. Mais ça reste des grosses horloges de parquet, là, les fameuses horloges grand-père, qui en font des sentinelles du temps. Je trouvais que c'était quand même intéressant comme façon de voir les choses. Puis ensuite, ben, ça s'est réduit encore plus vers des pendules à cheminée, puis des réveils matins. Donc, l'industrialisation de l'horloge au 19e siècle fait que bon, les hommes veulent de plus en plus contrôler le temps. Alors, on va voir l'apparition de la montre bracelet. Et puis là, ben, on n'entrera pas dans la montre parce que ça, c'est pas la lettre H. Non. Donc, voilà pour l'horloge. Magnifique. On parle pas de coq là-dedans parce que j'imagine qu'il est rendu à les manger. Est-ce qu'on mange des coqs? Je sais pas. Oui. Ben dans le temps, c'est l'heure pour te réveiller le matin, c'était un coq. T'sais. Après ça, ben ils sont mis à manger les coqs, fait qu'il n'y a plus d'horloge, fait qu'ils ont inventé l'horloge. J'imagine que c'est même s'est passé, je sais pas, j'étais pas là. Ben il y en a qui en mangent, je sais. Ouais, Il y en a qui mangent ça des coqs. Ouais. Quand même. Ah, comme les pigeons, ouais. Pigeons. Aux États-Unis, ils mangent des pigeons. Pigeon. C'est super à mode là, ces temps-ci les pigeonneaux là. Ah. Ben oui, vous écoutez pas ça, vous autres, des émissions de cuisine. Ah oui, mais moi j'écoute MasterChef. MasterChef? Non. Je sais pas, j'ai pas écouté ça. Ah, OK. C'est bon. Donc, deuxième thème, plus amusant, un cerceau qu'on peut faire bouger autour de nos hanches. Oh, la hoop! Le hula hoop. Donc, on sait pas vraiment de quand ça date, hein, le hula hoop. Les enfants égyptiens, déjà, bon, faisaient rouler des cerceaux avec un bâton et même autour de leurs hanches. Les anciens Grecs s'en servaient pour faire de l'exercice. En Grande-Bretagne, au 14e siècle aussi, bon, c'était un objet de récréation pour les enfants. Et on s'en servait aussi dans les cérémonies religieuses. Ah ouais? C'est quand même étrange. Oh, la bague! C'est un hula hoop, tu rentres le bras dedans. Elle rapetissait, puis floup! Donc, en Grande-Bretagne, puis même là, on avait des documents médicaux qui disaient, bon, les médecins devaient traiter des dos disloqués et des crises du cœur qui étaient attribuées à trop de hooping. C'est un sport dangereux. Ah oui, quand même. Ben oui. Donc, fallait faire attention. Oui, je comprends, c'est un sport dangereux. Je suis tellement pas bonne que j'ai le goût de frapper tout le monde autour de moi. Quand tu l'utilises. Donc, le terme hula hoop, hein, parce qu'avant, on parlait juste de cerceau ou de hoop. En fait, c'est des marins anglais qui se promenaient dans le coin d'Hawaï. Puis, ben, dans le coin d'Hawaï, on danse avec un hula, hein, la petite jupe en paille. Ben oui. Puis, ils voyaient que les mouvements des danseurs de hula ressemblaient aux mouvements des enfants ou des adultes, bon, qui faisaient bouger le hoop. Donc, ils ont mis ça ensemble. Hula hoop. Ça a bien sens. Voilà. C'est pas fou, hein? C'est intéressant. Donc, ça a été. En fait, après ça, ça a pris un peu le bord. Bon, on l'avait encore, mais on s'est plus ou moins attardé là-dessus. Puis, vous savez qu'au début du 20e siècle, on a eu la fièvre de tout mettre comment on dit ça, là? Un brevet. Ouais. Breveté tout. Donc, deux Américains, Richard Knurr et Arthur Spud Mellon, ont créé la compagnie WAMO. Arthur Patate Melon. J'aime ça comme nom. Spud. Ouais. C'est son surnom, c'est en guillemets. Spud. Donc, ils ont créé la compagnie WAMO, qui a inventé, d'abord, c'était des slingshots. OK. Les frisbees, les slide and slide, là, les slip and slide, je veux dire, là, tu sais, les gros... Les gros trucs en plastique, on mettait de l'eau là-dessus, là, puis l'été, on glisse. C'est glissé. Ça fait tout le temps des drôles de vidéos. Oui, c'est vrai. C'est... Écrit 1994 dans le coin. Avec ça. Quelqu'un qui passe, ouais. Qui se fait rentrer dedans, puis bon, ou le chat, bon, qui n'a pas rapport. Puis on aussi a inventé les Super Balls. Hey, tout plein de choses, vraiment. Caractéristiques à une certaine période vraiment très, très courte dans la vie, tu sais. Ouais. Ont passé de mode après ça, tu sais. Mais pas les frisbees. Non, sauf les frisbees, j'avoue. Et les slip and slide, c'est comme pas plus encore. Mais c'est revenu, hein, ça. Ça a été tout inventé dans les années 50. Puis dans les années 80, ces jouets-là, frisbee, slip and slide, puis Super Bowl étaient extra populaires. Non, c'est pas parce qu'on était pas là dans les années 50, mais c'était pas nouveau aux années 80 c'est 90. Ça. Oh, ouais, non. C'est comme les salopettes. Oui, c'est comme les salopettes. Ça revient, il y en a chez Walmart en ce moment, les salopettes. C'est vrai. Je te jure. Oh mon Dieu. Ouais. Eh bien, c'est dommage. Dommage que j'en veuille pas puis je trouve ça lettre, maudit. Si seulement je trouvais ça beau. Quand même. Donc, WAMO, c'est eux qui ont décidé de breveter bon, le fameux cerceau en polyéthylène en 1958. Puis là, ça a vraiment fait une frénésie. Là. Tout le monde tripait sur le hula hoop. Ils en ont vendu environ 100 millions dans cette première année-là, à 1,98 chaque. Quand même, fait que c'était vraiment pas cher. Avec là, un énorme choix de couleurs et de grandeur. Oui, oui, oui. Oui, bien, le hula hoop a beaucoup changé avec le temps. Hein. Maintenant, il y a même le centre qui peut être vide où on peut mettre des billes pour que ça fasse du bruit. Même, ils mettent des fois des lumières LED dedans. Bon, des lumières LED, LED. La technologie LED, bon. Et ben, on met des rubans dessus pour que ça bouge un peu plus. Surtout pour ceux qui en font dans le cirque, la gymnastique. Hein, on customise le tout. Mais je sais que c'est possible aussi d'en acheter avec des poids dessus pour vraiment faire des abdos. Ah. Ça se vend dans les trucs d'exercice. Ouais. Mais je suis déjà pas capable, pas de poids. Fait que... Est-ce qu'il est avec des cordes qu'on peut attacher sur le reste du corps pour pas que t'ailles vraiment te forcer puis juste tourner puis juste ça tourne seul? Ça, on appelle ça un saut de clown. Tu sais, avec les cerceaux là, puis les bretelles. Là. Obélix, ce genre. Une salopette. C'est ça. Ou la houppe. la fièvre du hula hoop dans les années 50 a duré seulement du mois de janvier au mois d'octobre. Après ça, c'est tombé. Bang. On a vraiment les c'est précis dans l'histoire Oui, ouais, wow. Une grosse fièvre. Alors, ensuite, c'est plutôt allé du côté du cirque, de la gymnastique. Mais depuis 2003, il y a le festival annuel Burning Man Festival of Arts and Freedom. C'est très hippie, nord, ça. Oui, oui, totalement. C'est au nord du Nevada, dans le désert. Donc, c'est vraiment très hot comme place pour faire du hula hoop. Là, les gens peuvent même y aller sans vêtements. C'est optionnel. Ça doit être beau, ça, quelqu'un tout nu qui fait du hula hoop. Un hippie, en plus. Oui. Je sais pas. Malpropre, puant, poilu. Mais tu sais, juge comme ça, je les connais ben, pas. C'est pour, ils sont bien fins. Puis, on leur donne fortement l'idée d'échanger leur truc, leur technique. Puis, le hula hoop. Mais pas leur hula hoop, parce qu'ils sont dégueulasses. Le hula hoop en feu est fortement encouragé. Hein? On met le feu ou hula hoop puis essayer de le faire tourner en même temps. C'est impressionnant, ça, j'imagine. Mais... Wow. C'est dangereux, ça, avec des dreads. C'est clair que le feu pogne là-dedans. Oui, ça pogne dans ton pote qui est dans ta poche, puis là, ça se peut plus. Là. Mais non, t'es tout nu. Ah, t'es tout nu, ça. Ouais. Ou tu mets ton pote quand t'es dans tout nu. Tes voyons, cheveux, ah, dans tes dreads. Voilà. Pas de chance. Puis même, il y a eu une fièvre récemment du hula hoop parce que bon, Justin Timberlake, Beyoncé en avaient dans leur vidéoclip. Ah oui. Même Michelle Obama, la femme de Barack Obama, a fait des vidéos où elle montrait qu'elle jouait avec ses filles ou hula hoop. Donc, il y a eu vraiment une forte remontée. Oh mon Dieu, que le monde est influençable. Oui, oui. Du hula hoop, ce qui a donné cours, ou lieu au cours de hula hoop. Puis ça se donne beaucoup à Montréal. On n'en a pas vraiment de ça ici. J'ai fait des recherches, j'en ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, sur Internet, j'ai pas trouvé. Donc, ça s'appelle des cours de hula hooping. Puis ceux qui pratiquent ça s'appellent des hoopers. Puis il y a différentes formes. Il y a le hula hoop dance, le hoop pilates, le hoop chi pour le tai chi avec du hula hoop. Puis du hoop yoga. Ah, OK. Et, parce que quand même. T'as le hoop side of it again aussi de Britney Spears. Puis si je vous dis hula washer, ça vous fait penser à washer. Quoi? Washer. Washer. Un laveur de hula hoops. Ceux qui passent par-dessus les pieds après pour les resetter. Non, hula washer. Non. Qu'une idée. Vous savez pas? Ben c'est une invention de la designer Sang Soon Lee. Alors c'est un hula hoop qui lave le linge. Oui, alors c'est un gros hula hoop dont le centre est creux, dans lequel vous pouvez mettre de l'eau, du détergent et des vêtements, mais évidemment des bobettes ou des bas, là, faut pas mettre des jeans. Puis, ils recommandent, ils disent vaut mieux être célibataire qu'à la tête d'une large famille, là, parce que vous faites pas tout votre lavage avec ça, mais c'est une façon sportive de faire son lavage, mais combien de temps cela peut-il prendre une paire de bas? Il n'y a pas d'indication très précise, c'est juste une invention. Ils devraient se faire un partenariat avec Cascade, leur slogan allez hop, Cascade, allez hop, Cascade, mais la place, c'est allez hop. Allez hop, Cascade. Ah, ça, je l'aime. Moins bonne, celle-là. Ah, tu l'aimes? Oui, oui. T'as l'air d'être seul là-dedans, mais bon, oui. C'est pas grave. Oui, c'est ça. Puis, fun hoop fact. Alors, au Japon et en Indonésie, faire du hula hoop a été banni en public parce que c'était démoniaque. culturellement, c'était pas acceptable de voir les hanches de quelqu'un se faire aller. Puis, c'était surtout indécent. Oui, c'est très sexuel, le hula hoop. Mais quand même. Moi, quand je vois un hula hoop, là, hop là, yes. Oh, hein, t'en souviens de là, mon sauté dessus. Wamo, quand ils étaient au pic là, de leur vente, ils pouvaient vendre 20 000 hoops par jour. Donc, vraiment, toute une folie. Puis, en Russie, on a dénoncé le hula hoop comme un exemple de l'emptiness of American culture. Donc, le vide de la culture américaine. Ouais. Du coup. Le grand néant. Ouais. Ben, tu sais, c'est un rond, il n'y a rien dans le milieu, tu sais. Dans le fond, il n'y a rien inventé, les autres. Ouais, dans le beng non plus, il n'y a rien dans le milieu. Ouais. Non, c'est pas prendre la pause du beng. Là, tu te rends au milieu, tu fais là, tu continues. Un petit peu comme le trou de beng, est-ce que tu penses que le milieu du hula hoop, c'est dans le fond les gros ballons, ah, là, tu sais? Ah, les ballons suisses, c'est ce que c'est peut-être ça. Oui, c'est un trou de hula hoop. C'est des petits bits de hula hoop. Ouais, bon. J'aborde un petit bit de hula hoop. J'utilise un petit bit de hula hoop. Ouais. Donc, voilà pour le hula hoop. Autre sujet. Humpty Dumpty, les grignotines. Ah, pas le petit bonhomme qui tombait du mur. L'autre partie. Ah, d'accord, c'est commencer par les grignotines. Le Humpty meilleur. Humpty Dumpty, il y en a plusieurs. Il y a des chips, il y a des cheddar corn, il y a des crottes de fromage, Party Mix. Party Mix, c'est mon préféré. Oui. Les ringolos aussi. Non, ça, c'est doué, puis manger ça. Mais il y en a des Party Mix. C'est vrai, mais pas assez. Il y a trop de bretzel, les Party Mix. C'est ça le problème, c'est les Party vrai. Mix, tout le temps. Mais il y a des Cheetos. Non, je tripe. Moi, ça me prend un bretzel à chaque bouchée. Ah, la technique. Ah, ben oui. Tu peux mettre le bretzel dans le ringolo. Ah oui. Non, mais tu prends les espèces de Cheetos, là, les crottes de fromage séchées. Là. Ah. Puis là, tu peux pogner le ringolo de même. Comme une cuillère. Comme une baguette. Là, une baguette. Miam, miam, miam. Ah, qu'on en parlerait. On va faire une chronique juste sur les Party Mix quand on sera revenu. Ouais, avec notre technique. Y a les Crunchies aussi et les Juliennes. On en mange moins de ça, mais c'est pas fan de Julienne. C'est très bon, c'est parce que ça se mange mal, mais quand tu te le verses directement dans la bouche, dans l'orifice. Dans la gueule, t'allais dire. C'est tellement bon. Ouais. Donc, Humpty Dumpty, hein, en tant que compagnie, en tant que telle, qui n'existe plus, qui a été racheté par Old Dutch. Ah, ouais, ils ont quand même gardé le logo et la mascotte. Humpty Dumpty, oui, exactement. Mais ça a été acheté par Old Dutch, qui était, elle, une compagnie très populaire dans l'ouest du Canada et Humpty Dumpty, elle, dans l'est du Canada. Alors, eux, leur but, c'était vraiment de faire ils sont convaincus qu'ils peuvent fabriquer des grignotises, ils disent des grignotises, les plus savoureuses au pays, hein, parce qu'ils relient les deux côtes, évidemment. Donc, ils ont supprimé tous les gros trans des Humpty Dumpty pour que ce soit plus santé. Oh, mais les autres aussi. Oui. C'est la loi, les autres, oui, c'est ça. Puis leur slogan, c'est « Ici, c'est la qualité hey, ». Ici, ouais. C'est Humpty Dumpty. Ici, c'est la qualité. Original. Maintenant, Humpty Dumpty, le petit bonhomme, hein, qu'on voit sur souvent sous forme... Pas une clôture. Un mur, un muret. Un brique, ouais. Il ressemble à quoi, Humpty Dumpty? Ben, moi, je le vois comme la mascotte, l'œuf comme la mascotte d'Humpty Dumpty, non? C'est ça, exact. Donc, c'est un personnage éponyme d'une comptine anglaise... Puis, il y a deux théories, bon, pour savoir ça vient de où, cette comptine-là. Donc, soit que ça raillerait le roi Richard III d'Angleterre, qui était tombé à la bataille de Bosworth, c'est ça qui a mis fin. Il était tombé, carrément, là, parce qu'il y a eu une maladresse, il est tombé. Puis, ça a mis fin à la guerre des Deux Roses. Ou d'autres évoquent une machine de guerre durant le siège de Gloucester ou un gros canon dans la ville de Colchester, ça se ressemble quand même, qui ont tombé d'un mur où il était en batterie, donc ils ont été moqués par les chansonniers. Donc, la petite chanson, c'était Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. Parce qu'il s'est baisé. Donc, on voit Humpty Dumpty hein, dans le film. Ben, on le voit sûrement dans plusieurs films, mais où c'est marquant, dans Monster Inc. Dans les premiers moments, là, il est sur l'étagère de jouets d'un enfant, mais bon, faut vraiment le spotter. Okay, ouais. On le voit encore plus dans le chapoté. Je sais pas si vous l'avez vu, le chapoté. Je l'ai vu, puis je m'en souviens pas. Il est méchant. Mais en fait, Humpty Dumpty, moi, il m'a toujours fait peur, parce que quand j'étais petite, j'avais un film d'animation avec Humpty Dumpty dedans, mais c'était la version comme méchante. Mm-hmm. Puis quand il tombait en bas de son muret, il éclatait, puis t'avais plein de moufettes qui étaient sorties de lui, genre. Oh, fait que ça m'a traumatisée quand j'étais petite. C'est comme Humpty Dumpty, moi, ça, je l'aime pas. Ben, c'est tout à fait dans l'ordre d'idée de... Il y a un film d'horreur intitulé Humpty Dumpty qui est en préparation depuis 2009. Hein? Parce que justement... Ça a toujours été un personnage un peu ambigu, hein, un petit, même dans la dans Alice au Pays des Merveilles, là, les deux jumeaux, là, genre d'un petit, ont toujours eu des rôles soit gentils, soit méchants, bizarres, bon, on savait pas trop. Mais disons, on s'entend, c'est un œuf, là, c'est weird. Un gros œuf. Donc, voilà, pour un petit. Avant de partir en pause, je vais vous parler de Hasbro. Hasbro, les jeux de société. Oui! Hasbro, jeux et jouets. Donc, créé en 1923 par les frères Henry et Elal Assenfeld. Donc, Hasbro, qui est la contraction de Assenfeld Brothers. Mm-hmm. Donc, Hasbro. Au tout départ, ils faisaient des fournitures scolaires. Puis, ils ont décidé de se diversifier aux folies ultimes en 1940 en créant des panoplies de docteurs et d'infirmières. Okay. Pour les enfants, là. Ah, il y a des jouets. Oui, depuis... Donc, jouer au docteur. C'est à cause d'Hasbro. Mais en 1952, là, ils ont fait un grand coup en créant leur personnage Monsieur Patate. C'est eux autres qui ont créé Monsieur Patate. Donc, au départ, Monsieur Patate n'était pas un bonhomme en plastique dans lequel on mettait une vraie patate, les mains et les bras. Ben, c'était en fait juste un, toutes sortes de des mains, des bras, des cheveux, des casquettes, des nez. Ah, des moustaches. Fallait que tu te procures ta propre patate. Une patate. Non, c'était Monsieur Spud de tantôt quand tu as parlé de Spud. Là, son surnom, c'était lui. Fait que tu m'as donné dans Spud. Yeah. Quel bon jeu. Mm-hmm. N'importe quel légume, en fait. Mais, ça peut être une patate ou une aubergine. Un zucchini. Bon, ça peut être une citrouille. Oui. Donc, vraiment, n'importe quel légume. Puis, en 1953, M. Patate a rencontré Mme Patate. Oh. Alors là, ben, leur mariage a donné naissance à toute une gamme de produits. La voiture de M. et Mme Patate, leur bateau, leur avion. Ah, ouais. Etc. Ouais. J'ai jamais vu ça, là, mais bon, quand même. On est trop jeune. Ouais. C'est ça. Même Mathieu est trop jeune pour avoir reconnu la voiture de M. Patate. J'ai pas connu ça. Non. Ouais, non. Ben, moi non plus. Fait que, je l'ai jamais eu. En 1964, ils ont pris leur corps de plastique. Donc là, ils sont devenus plus mobiles. C'est plus facile à assembler. Puis là, il y a eu toutes sortes d'accessoires, canne à pêche et compagnie. Hasbro, en 1964, a lancé une figurine très populaire. Maintenant, les collectionneurs, le pendant de Barbie. Les G.I. Joe. Ah. Donc, on a créé les figurines G.I. Joe. Puis, c'était très, très populaire, coté en bourse à la compagnie, là, Hasbro, en 1971. En 1979, leur chiffre d'affaires dépassait 100 millions par année. Donc, dans les années 80, ils se sont dit, on va commencer à acquérir toutes sortes d'affaires pour élargir ce qu'on offre, là. Donc, ils ont acquéri Milton Bradley, donc la compagnie MB, là, qui fait les jeux, les puzzles surtout. Play School aussi pour les jouets en bas âge. Tonka, c'est à eux maintenant. John Waddington PLC qui fait Monopoly. 1998, ils ont acquéri Atari. Ah, ben, ils voulaient en faire leur label préférentiel pour l'édition des jeux vidéo, mais Atari a pris le bord pas mal, fait qu'ils ont dû leur vendre une autre compagnie. Les cartes Magic, c'était à eux aussi. Ils l'ont acheté, c'était pas à c'est eux. C'est ça, ils les ont pas créés, mais ils les ont appropriés avec le temps. C'est ça, exactement. Les Pet Shop, là. Little Pet Shop. Puis les foudroyeurs, les nerfs, les fusils nerfs, c'est à eux. Par rapport à ça, en 2008, il y a eu un rappel de la corporation des foudroyeurs nerfs qui pouvaient arracher la peau des enfants. Les balles, là. Mais en fait, ça dépend des versions. Il y en a qui disent que c'est plus coupure, érafleux, pincement. D'autres, c'est ben quand même feu, la peau. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont plein de compagnies, ils ont plein de marques connues, les Transformers, Nerf Play School, My Little Pony. Oh! Si c'est à eux. Mm-hmm. Donc, belle petite finale pour aller en musique. Je vais clore ça. Alors, on s'en va avec Haim et The Wire. Après ça, on vient avec une autre petite suite de lettre H dans un Véronique Sionnaire sur C'est fou. You know I'm bad at communication. It's the hardest thing for me to do. And it's the most important part that relationships will go through. And I give it up away. Just so I could say that. But I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no rhyme or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, not intentionally. I know it's hard to hear you say it, but I can't bear to stay. And I just know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read. Oh, but I just couldn't take know, I know that you're gonna be okay anyway. The Wire. En 14e position anglophone, ça commence par H. Haynes, c'est pour ça que j'ai choisi. C'est dans le Véronictionnaire avec Véronique Mire, on est toujours dans la lettre H. Et oui, donc avant la pause, on a parlé de l'horloge. Ça tombait bien, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc on a parlé du temps. Ensuite, le hula hoop, je vous ai surpris en vous parlant du hula washer. Ouais, laver son linge avec un hula hoop. Un hula hoop. Puis après ça, on a parlé de Humpty Dumpty. L'œuf diabolique. Le party mix. Qui va donner lieu peut-être un jour à un film d'horreur. Mais c'est quand même en création depuis 2009. Moi, j'ai pas de gros espoir. Tomber à l'eau, hein. Tomber de son mur, comment dire. Ouais. Tomber du mur et péter en morceaux. Ouais. Et finalement, Hasbro, donc, qui a créé Monsieur Patate. Oui, puis j'ai pas parlé qu'il avait créé aussi Play-Doh, hein, la pâte à modeler. Ah, c'est cool. Classique. Qui sent drôle. Mais bon. Mais non. Ben, moi, j'aime ça. C'est caractéristique. Mais j'aime mieux l'odeur de ceux qui sentent bon, mais c'est bon, quand même. Bon. Donc, deux petits trucs pour terminer, parce que la lettre H, c'est quand même une grosse lettre qui m'a étonnée. Il va y avoir la partie 2 dans deux semaines. Donc, je vais terminer avec Ouba Booba et les hooligans. Ah, oh, la gomme! C'est bon, ça! Oui! Oh. Quand j'étais petite, on faisait du ski. Puis on en mangeait, c'était quasiment immanquable. À chaque fois qu'on allait faire du ski, tout le monde avait un gros carré de gomme ballon. Puis là, dans le chairlift, là, ils vantaient, hein? Puis on faisait toutes des gommes, des bulles. Là. Ouais. Puis là, ça nous pétait toutes des cheveux. Ça gelait pas, ça? Hein? Boy. Non. Ça gèle pas. Non, c'est de la science. C'est un argument de poids. Donc, Ouba Booba, à l'origine, bon, qui était produite par la Wrigley Junior Company, qui maintenant une filiale de Mars. Donc, a été créé aux États-Unis en 1979. Donc, pourquoi Ouba Booba? Donc, en fait, ça vient d'une phrase que les militaires utilisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale pour dire qu'ils approuvaient, là, que c'était correct. Ils disaient « Ouba Ouba ». OK. Plutôt que dire « approve » ou « disquette », là, « Ouba Ouba ». On va recommencer ça, c'est bon. Hein? « Ouba Booba ». Voilà. Donc, leur argument de vente, c'est que la gomme Ouba Booba est moins collante que les autres marques. Donc, les bulles éclatées sont plus faciles à décoller de la peau. C'est vrai, quand même. Ben, je sais pas. Honnêtement, je sais même pas de quoi vous parlez. Les petites gommes en cube, très, très oui, mou. Tu sais, c'est une barre de... T'as peut-être six carrés de gomme genre, dedans. Genre six prismes, mettons, mais de couleur. Et très, très, très, très, très sucré. Mm-hmm. Vraiment énormément sucré. T'en as melon d'eau, fraise ou raisin. Ah oui, raisin, c'est intense comme saveur, mais c'est bon. Je pense qu'il faudrait que je le voie. Très, très bon. C'est ma mission pour la prochaine fois. J'ai pas mangé ça depuis, je pense, l'âge de peut-être 10-12 ans. Ah oui? Ah, moi, j'ai mangé l'été passé. Des fois, bon sur un road trip, là, ou quand tu vas faire de la route, là, ouais, un gros carré de gomme ballon. Ah oui, OK. Ça se prend bien. Donc, ils ont le Ouba Booba Bubble Tape. Une gomme de 6 pieds de long. Ben en fait, c'est parce que c'est un tape de gomme. Oui, pareil comme le fruto long, quelque chose comme oui, ça. Oui, c'est ça. Donc, rien n'est meilleur qu'une bonne gomme ballon, surtout si cette gomme est plus grande que vous. Ensuite, ils ont le Squeeze Pop. C'est un peu comme une gelée, là, à saveur de fruits. J'ai jamais essayé. Il y a Ouba Booba Mystery Max qui ont un centre. Puis, on sait pas c'est quoi la saveur. Donc, ah, ben, c'est ça, le mystery. Je veux ça, là. Et il y a le Mystery Tape, donc c'est la même chose que le Ouba Booba Bubble Tape, mais Mystery. Wow! Et pour terminer ma chronique de la lettre H, je vais vous parler des hooligans. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi les hooligans? Ben, c'est comme des mécréants. Comment est-ce qu'on dit ça? Des genres de pas des méchants, mais des... Des petits bums. Des petits bums, moi. Ouais. Des voyous. Des voyous. Ouais. Excellent. Ouais. Mais c'est spécifique. C'est des adeptes d'un sport utilisant la violence pour peser sur le sort d'une rencontre. Le soccer, surtout, j'imagine, c'est le sport le plus populaire au monde. Exactement. Okay. Donc, c'est par rapport au soccer. Donc, eux, les hooligans, c'est vraiment, en fait, c'est des supporters... violent, là, vraiment, vraiment, très, très, très, très supporteur. On voit ça, je pense, dans le film Formule 51 ou quelque chose comme ça, là, le titre m'échappe, là, mais ça a donné lieu à plusieurs films. Mmh. Donc, ils font des bagarres qui sont organisées entre les clubs. Donc, je peux vous citer un hooligan lyonnais qui dit « On contacte par téléphone ou par Internet le responsable d'un groupe adverse et on lui propose un rendez-vous. S'il est OK, on dit combien on va être en général, une cinquantaine. » On lui demande combien eux ils vont être, puis on précise les règles. Pas d'armes, on ne s'acharne pas sur un mec à terre, parce que c'est des Français. Et dès qu'on sait que la fête va avoir lieu, on ne pense plus qu'à ça toute la semaine. Aïe, aïe. Donc, c'est assez intense. C'est poule de hockey ou bien aller se battre avec d'autres, tu sais. Hooligan! Tu mets ton argent là-dessus. Puis, c'était avant à l'intérieur des stades ou proche des stades, mais pour contourner le dispositif policier, c'est maintenant dans des lieux plus isolés. Donc, les fights, là, ne durent, c'est le jargon des hooligans, c'est des fights. Ils diront pas de bataille ou un combat. C'est des fights. Ça dure que quelques minutes. Ils se jettent un sur l'autre, puis le groupe qui perd est chassé. Puis, ça leur donne une décharge d'adrénaline. C'est à ceux qui sont accros. Il y en a même qui vont se déplacer sur des milliers de kilomètres pour participer à la bataille. À la fête, pardon. Là, quand tu dis fête, là, c'est avec des ballons, puis un gâteau. Puis... Bonne fête, comme on dit. Ouais. Puis, il y a différents noms de groupes que j'ai trouvé, que je trouvais comiques. En Angleterre, vous avez le Suicide Squad, les Head Hunters, les Hull City Psychos, The Red Army. Et en France, on a les Commandos Pirates, les North Warriors et les Fractions Furax. C'est tellement viril. Les Fractions Furax. Fractions Furax. Ah, les mots de français. Voilà, mais faudrait faudrait pas qu'ils s'en reviennent ici, hein, parce que bon, c'est ça. Hey, c'est un peu mongol. Oui, un peu beaucoup. Ben, ça rassemble. Ça dépend ce que les gens veulent. Puis c'est contrôlé un peu. Là, ils se mettent des règles et tout ça, mais bon. Boy. Des règles des airs déterminées par les gens qui se battent eux-mêmes. En tout cas, ça doit être à cause des jeux vidéo. Musique rock. The devil. Alors, voilà. Superbe, les hooligans, pour terminer cette chronique du Violationnaire. Viens avec Mire aux deux semaines, les jeudis à 7h30. Et oui. Merci, à l'heure de semaine. Ben oui. La suite de la lettre H. Ça va être Hip Hip Hipoura. Ouais. Ça va être Hot. Je sais tellement pas. Hyperactif. Et c'est à peu près ça. Au retour, on va parler avec les gars de Mimi Van Der Glo dans la chronique spéciale UQTR en spectacle 2014 en compagnie de Joanne Gagnon et Félix Saint-Gelais. Mais avant ça, quelques messages. Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de CFOU. Je suis hors zone. Je suis hors zone. Tu aimes la musique indie rock et tu cherches de nouveaux artistes à écouter? Ne manque pas Hors Zone tous les mercredis à 13h sur les ondes de C'est Fou. Chaque semaine, avec ma chronique culturelle, je vous présente un groupe indie rock. Hors Zone, c'est des entrevues, des quiz et évidemment l'indie rock à son meilleur. Avec Olivier et Karianne, Hors Zone, c'est à C'est Fou. je suis hors zone. Je suis hors zone. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage requis en ce jeudi 13 mars 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans moins de 3 minutes, on va parler avec les gars de Mimi Vanderlo ainsi que Joanie et Fanny du UQTR en spectacle 2014. Hey, du gros stock à matin. Oh oui, on est chargé à bloc. On est rock pas mal. Donc, on y va avec Miss dans ta pipe, le classique de Mimi Vanderlo tout de suite. Ah, c'est fou, 89 FM. C'est dans ta pipe de Mimi Vanderlo à Assemblage requis et toujours avec Stéphanie Paradis, bien sûr. Ben oui, et Mathieu Plante. Merci beaucoup. On a des habitudes d'émission cette semaine. On les a, ben en fait, on a vu Fanny juste une fois, mais Joanie à tous les jours jusqu'à maintenant. Joanie Gagnon. Oui, déjà la dernière journée. Déjà. Déjà rendu à jeudi. Ça passe très vite. Et Fanny Saint-Gelais qui était avec nous hier. Et là, elle se partage le micro, donc ça va comme des choristes qui vont pouvoir faire... pendant la chanson. On entendra plus tard. Je ne sais pas trop quoi, on va pouvoir vous avoir comme choriste. Donc, UQTR en spectacle 2014 qui a lieu ce soir. C'est à 19h au Cégep de Trois-Rivières. Parlez-moi un petit peu plus de ce superbe concours qu'est UQTR en spectacle 2014. Oui, en fait, UQTR en spectacle, ça met en scène des étudiants de l'université pour présenter leur talent artistique. Donc, cette année, c'est la 10e édition. Puis, on a 10 participants avec des genres de numéros différents. On a de la danse, du chant, de l'interprétation, du théâtre et des petites surprises. Oh, des surprises! Oui. Ah, oh, j'aime ça. Ouais, on aimerait ça savoir ce que c'est, nous. On n'aura pas l'exclusivité ce matin. Comment est-ce qu'on se procure nos billets pour ce soir? Là? Il commence à être dernière minute un petit peu pour les billets. Oui, donc, pour les dernières minutes, il y en a toujours en vente toute la journée à la coop de l'UQTR. Sinon aussi, vous pouvez vous en procurer le soir, ce soir, dans le fond, à la porte. Donc, on vous rappelle que c'est à 19h, arrivé un peu d'avance. Les premières places sont aux premiers arrivés. Donc, dépêchez-vous, c'est vraiment un show à voir. Génial. Donc, UQTR en spectacle ce soir au Cégep à 19h. Et disons qu'il y a quelque chose de le fun qui va avoir lieu pendant ce spectacle-là. C'est c'est un spectacle de musique à l'intérieur même du spectacle. C'est comme un spectacle dans un spectacle. Oui, c'est ça. Exactement. À la deuxième partie, ça va être Mimi Van Der Glo qui sont avec nous ce matin. On est vraiment contente qu'elle ait accepté de venir faire le show avec nous. Ça va être vraiment une belle soirée. Tout à fait. Et parlons-leur, justement, au gars de Mimi Van Der Glo. Bonjour à vous deux. Salut tout le monde. Salut, salut. Je pense que vous pouvez transitionner le micro, si ça vous dit, pour avoir un par personne. C'est plus pratique pour vous. Donc, les gars de Mimi Van Der Glo, vous n'êtes pas les seuls membres de ce groupe-là. Parlez-nous des autres membres et de vous aussi. Parlez-nous des autres membres et de nous. Ouais. Ben, les deux autres, il y a Richard et David Godette, qui sont respectivement des frères respectables, à la guitare et à la batterie. Ouais. Puis c'est ça, Carl et cousin, ouais, c'est ça. Okay. On se connaît. C'est un genre de mini histoire de famille puis de vieux chums de secondaire. Ouais. C'est la bande là. Cool. Est-ce que c'est votre première prestation avec en spectacle? Non, parce qu'on a fait le premier, je pense. Le premier, en tout cas, qu'il y a eu à Trois-Rivières. Moi, je me rappelle, c'était au Maquisard. Feu Maquisard, ouais. Puis on était le. Ça, que ça peut dire qu'on est vieux, ça, mais. Ça bon. Fait. On était le house band. À l'époque, moi, on a fait sauter les breakers du Maquisard. Ça, c'est rock. c'est vraiment rock. Quoi est-ce qu'on peut s'attendre de ce spectacle-là, la deuxième partie du Créer en spectacle ce soir? Ça va ressembler à quoi, votre prestation? Ben, je pense qu'on va faire surtout des nouvelles tunes. On va essayer de laisser un peu notre vieux répertoire de party. Okay. Puis, c'est pas mal ça. On a une demi-heure à jouer, fait qu'on va faire ça dans les règles, puis on va être super content de faire ça dans des conditions professionnelles. Ouais, ça c'est super le fun. Donc surtout les chansons du plus récent album, c'est Met Tout Croche. Ouais, fait que c'est sûr, tu sais, vous allez retrouver Mets Ça Dans Ta Pipe, Accident, ouais, c'est sûr, ça va être là, Entier, ça va être là. Puis après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on va mettre d'autre. Là, pour, on ne sait pas encore. Ça va se décider ce soir. Ouais. Une surprise, c'est le fun. Donc, la plupart des chansons qu'on écoute en ce moment, Mimi Van Der Glo, c'est fou, qui joue sans cesse, c'est sûr qu'ils vont être au spectacle-là. Donc, vous allez adorer ça. Est-ce que vous avez déjà participé en tant que participant vraiment à UQTR en spectacle ou à un spectacle du genre secondaire, cégep en spectacle? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Moi, j'ai fait cégep en spectacle il y a longtemps. Okay. J'ai fait UQTR en spectacle aussi, la même année qu'Ingrid Saint-Pierre a gagné. OK. Ouais. Pas le même genre, dans un band qui s'appelle Rodéo Phalange et qui est vraiment décédé. Puis, en fait, qui est décédé la minute qu'on a mis les pieds hors du stage. Fait que c'est ça. C'est pas un band qui a duré longtemps. Mais Rodéo Phalange, on s'entend que c'est vraiment cool. Ah comme ouais, nom, c'est un beau nom. Il y avait ça de beau dans le band, je pense. Peut-être la fille qui jouait du violon. Ah, bon, la salut. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez d'un concours universitaire de ce genre-là? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux participants qui veulent se lancer en musique? Est-ce que c'est une bonne place où commencer quelque chose comme UQTR en spectacle? Moi, c'est sûr que c'est une bonne place pour commencer. Je veux dire, ça te met dans la compétition. Tu vois si t'es capable de gérer de la compétition ou pas. Comment tu sac à la fin quand tu reçois les résultats. Mais ça, c'est vraiment du monde comme moi qui file le main. Mais non, c'est sûr, c'est super bon. Puis que tu gagnes ou tu gagnes pas, c'est pas ça qui est vraiment l'important. C'est question d'exposure puis de prendre l'expérience. C'est ça qui est important dans ces concours-là. Puis tu sais, comme Ingrid, ça l'a mené loin. Oui. Puis cette année-là, il y avait Cindy Bédard aussi qui était en train de faire de quoi. Fait que, dans le fond, c'est super légitime, tous ces types de concours-là. c'est super le fun à faire. Et là, ce Gandhi va te faire voir, c'est justement pour se faire voir. Donc, on a entendu une pièce de Mimi Van Der Vloet tantôt, Mets ça dans ta pipe, vétéran des palmarès, c'est fou. Comment est-ce que vous décririez le style musical de Mimi Van Der Vloet, mettons, pour quelqu'un qui a juste entendu cette pièce-là, qui se demande ce soir, tu sais, quel style de musique est-ce que ça va être? Est-ce que vous avez lu un article dans Zone Campus, ça disait de la musique agressive pour un autre groupe qui était avant vous, je crois. Comment est-ce que vous décririez ça, votre musique à vous? Une espèce de pop rock efficace. Efficace. J'aimerais ça que ce soit ça qui se colle. Pop rock efficace. C'est sûr que on vient de l'esprit du rock'n'roll. Ça veut dire que dans le rock'n'roll, il n'y a pas juste le rock. Il y a la partie roller aussi. Oui. Où est-ce que, bon, c'est quand même agréable, même si ça provoque un certain déhanchement, là. Fait que c'est pas juste des coups, tu sais, c'est des accolades aussi. Moi, ouais, puis si on écoute l'album, le dernier album, il y a du stock pour tout le monde. C'est pas juste agressif. Mm-hmm. En tout cas, c'est pas juste du rock agressif. Ouais. C'est sûr que live, on a tendance à mettre ça un petit peu plus élevé. À 11, mettons, tu sais. Dépasser le 10. Mais ça, c'est ça l'esprit rock'n'roll, je pense, de notre band. Faut se donner. Un peu plus fort, hein. Exact. pour les néophytes, vraiment ceux qui vous connaissent pas encore, donc des non-auditeurs de C'est Fou qui peut-être écoutent ce matin parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait une entrevue pour écouter un spectacle, qui savent pas encore le nom Mimi Van Der Vloet, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question que tout le monde doit se poser. Qu'est-ce que ça veut dire Mimi Van Der Vloet? Ben, ça vient du folklore interlope trifluvien, Mimi Van Der Vloet. Dans à une certaine époque, Trois-Rivières était le bordel du Québec, même si on n'aime pas ça se le rappeler. Hein. Alors, Mimi Van Der Vloet, c'était une tenancière de bordel. Où est-ce que beaucoup de monde, en tout cas, probablement beaucoup d'hommes, allaient un peu perdre leur âme et... Leur chemise. Fait que, ben, nous autres, un peu, c'est la même chose pour la musique. C'est-à-dire qu'on est prêt, on donne pas mal tout ce qu'on a pour la musique, puis c'est ça, c'est un peu notre bordel, Mimi Van Der Vloet. Cool. Tout pour le rock, comme on dit. Quel musicien ou groupe, tu sais, ont été une source d'inspiration dans votre carrière? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire la musique? Moi, je vais dire en premier Fred Fortin. Okay. Parce que Fred Fortin, c'est à peu près... En tout cas, moi, c'est un des seuls que je connais qui est là depuis plus longtemps qu'à peu près tout le monde. Puis qui est pas au devant de la scène de nulle part, mais qui continue, puis qui fait les meilleurs shows que moi j'ai vus au Québec quasiment. Dans les meilleurs shows au Québec, là, j'ai Carquois, j'ai Fred Fortin, okay. Puis mettons Malajub. Il mm-hmm. y en a bien d'autres, là, on s'entend. Mais dans le rock, là, Fortin, moi, c'est mon phare. T'sais. C'est celui que je regarde, je me dis, OK, si je suis capable de faire ça, puis il est capable de continuer. On va essayer. En mangeant ses bonnes auditions, on va continuer, puis on va manger nos bonnes. Ah, ton héros, c'est beau. C'est bon. Toi, est-ce que t'en avais un à... Ben, personnellement, moi, j'irais vers Corbeau, des affaires plus old school, comme on dit. Autre chose. Ouais, autre chose, okay, ouais. C'est qui sont vraiment déjantés, tu sais, ouais. Qui la jouent moins. Qui la joue plus en dehors des lignes, disons. Mm. Fait que ça fait partie un peu de l'exploration qu'on essaie d'aller chercher avec Mimi. C'est-à-dire sortir, tu sais, des sentiers battus. Des rebelles, un peu. Ouais, ouais. Mm. Comment est-ce que vous avez commencé à faire la musique? Je sais que vous étiez ensemble, bon, il y a minimum 10 ans, si on y va par processus de déduction, parce que vous avez fait le premier écouteur en spectacle, mais ça fait plus longtemps que ça encore que vous êtes ensemble. Ouais. Est-ce que les membres ont beaucoup changé? Comment est-ce que ça a débuté? Non, ben au début, on a eu, c'est sûr qu'on a un batteur, bon, qui fait le batteur, là. Fait qu'on, des fois, on essaye d'autres batteurs, puis des fois, il aime ça, tu sais. Il aime ça se faire prier, en fait. Ah oui, salut, hein, d'ailleurs, c'est Richard. Dick! Puis, c'est ça, comme on disait en début d'entrevue, c'est une histoire de famille. Oui. On se connaît depuis qu'on a 12 ans. Carl, il venait nous voir répéter avec ses cousins. Il fumait des cigarettes en cachette. Il venait fumer des cigarettes en cachette dans le garage. Dans le garage. Fait que, ben, de fil en aiguille, à un moment donné, bon, on en est venu à faire de la musique ensemble. Tout ça, c'est à cause d'un match de lutte. OK. Ouais, parce que notre drummer puis le guitariste écoutait souvent des matchs de lutte. Puis Pascal, il était là, un match de lutte. Puis on était vraiment super. Beaucoup de réglisses, hein. Beaucoup de réglisses ce soir-là, puis de sandwich. Beaucoup de réglisses. Beaucoup de sandwich. Beaucoup de sandwich, puis de réglisses. Fait qu'on a fumé beaucoup de sandwich, puis Pascal m'a dit, hey, ça tente-tu de venir écouter les tunes chez nous? Puis c'est parti d'être là. J'ai écouté des tunes, après ça, j'ai monté mes tunes, puis on a commencé à écrire. Puis à réaliser Mimi Van Der Vloet. Mm. Même avant d'avoir le nom Mimi Van Der Vloet. Ouais. ça fait être le nom du band, ce Mimi Sandwich, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, vous avez parlé de vos artistes qui vous inspirent, mais quelles sont vos sources d'inspiration autres que des gens? Ça peut être des situations dans la vie qui vous aident à composer vos chansons pour Mieux Vendre l'eau. Je crois que c'est toi qui compose les chansons. Ouais. Ben, d'où vient mon inspiration? Les sandwichs. Les combien de gants gros, de sandwichs. Mais non, le premier album, c'était plus un truc de party. J'étais à l'université, fait que c'était pas mal la go. Fait que le premier album parle gros de ça. Le deuxième album, l'inspiration est venue pas mal de prendre une pause, de se regarder dans le miroir quand les lumières allument à 3h30 du matin. Mmh. Fait que c'est un peu le processus inverse. C'est plus un truc d'introspection, le deuxième album, plus que le premier. Puis, j'essaie de trouver quelque chose qui sonne bien en français, mais qui rock. Est-ce que c'est difficile? Super dur. Ouais. Ça t'en prend une coupe avant de trouver la bonne formule, mettons. Mais c'est ça que j'essaie de faire. Puis en fait, c'est ça, c'est tout le temps pour que ça sonne bien. Tu sais, Lennon, il l'a dit, ou Elvis, t'écoutes Elvis, t'entends à moitié ce qu'il dit, ouais. Pour vrai. Ce qui est important, c'est comment ça sonne. Les sonorités de chaque syllabe. C'est vrai de ça, tu sais. Fait que si tu fais un texte en français, puis tu fais ça sur une tourne de rock, mais quand tu chantes, t'as l'air d'un gars en train de lire un texte devant une classe, puis que ton texte, il marche pas, ben c'est sûr que ça rockera pas. Fait que c'est ça qui est dur à trouver, c'est la mélodie puis le contenu, puis qui fit avec la drive de la toune, tu sais. Je pense que c'est ça le... En tout cas, faire du rock en français, c'est ça le nerf de la guerre. Ouais. Ouais. Ça prend du talent, et puis, tu sais, c'est ce que t'as, c'est ce que vous avez. Bon, ben, on se comprend là-dessus. Vous êtes en spectacle ce soir, on l'a dit, à Cutter en spectacle 2014. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres spectacles dans la région, dans les prochains mois ou à l'extérieur qu'on devrait suivre? Ouais. Ouais, 17 avril, on joue au Nord-Ouest avec Greg Alone, puis... On a-tu d'autres chats, Trois-Rivières? Ah oui, à Trois-Rivières, au mois d'avril, non. Ce soir, pour les Trifluviens, c'est votre dernière chance pour les mois qui sont. Pour le mois de mars. Ouais. On va en profiter, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous pensez, là, je sais pas si c'est trop dans le futur pour vous, est-ce que vous pensez à un troisième album après Rabord et C'est mis tout croche? Est-ce qu'on a une petite idée de quand ça pourrait s'en venir? Quand non? Quand? Absolument pas. Mais pourquoi? Oui, qui? Les dernières fois qu'on a donné des dates, on les a pas respectées. Jamais. Fait que, j'ai l'enregistrement de l'émission d'aujourd'hui. Fait que si jamais vous avez besoin de... Oui, c'est ça. de rappel. Un reminder. Mais c'est ça, oui. Moi, en tout cas, je... Ça serait très le fun d'en faire un troisième album. Ouais. La question rendue là, pour nous autres, c'est comment qu'on va procéder. Le processus. On a été un peu déçus de notre dernier processus d'enregistrement, mais ça, c'est des affaires qui arrivent à tout le monde. Quelque chose de plus technique, là, je ne sais pas si ça rapporte. C'est plus technique, mais c'est ça, on voudrait faire ça un peu plus à l'ancienne. Ouais. Les quatre gars ensemble. Enregistrez-vous-même à la main, maison, si on veut. Peut-être pas maison ou pas maison, mais ensemble. Okay, ouais. Parce que le dernier album est enregistré un peu tout le monde à part, puis bon, année, ça vient dur. Sur T'as pas autant de fun qu'avec la gare. C'est ça, exactement. Puis c'est plus long. C'est moins instantané. Ouais. Tu retrouves moins l'essence de ce qu'il y a live. L'album est bon quand même, mais on n'est pas encore là. Okay. Je pense que... On n'a pas trouvé le... Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça serait important d'en faire un autre, pour mettre le clou dans le cercueil de ce qui est mis... Le clou dans le cercueil sans l'enterrer. Puis sans l'enterrer, mort, non, ou en tout cas, mettre le dernier clou à l'œuvre. De la fondation de la grande maison. Avant de faire notre album live. Oh, un album live un jour peut-être? Moi j'aimerais ça. C'est un rêve? Mimi à live. Mimi en vie. Ah ouais? Mimi en vie. ouais, moi j'aimerais ça. Parce que c'est l'idée d'un disque, c'est d'apporter un peu aux oreilles ce que c'est le groupe. Puis là, c'est sûr qu'un album live serait comme une photo du groupe en vrai. Là. Ouais. Ça, parce que, en disque et en spectacle, c'est pas tout à fait la même chose. Là. L'énergie est vraiment là, en show. Ouais, tandis qu'en disque, c'est là, mais c'est plus comme un film versus une pièce de théâtre. Mm-hmm. Alors, voilà. Ouais, un album live pour Mimi. Cool, on vous souhaite ça pour le futur, c'est ça. Pour ceux qui, évidemment, vont aller voir le spectacle ce soir, qui veulent entendre d'autres pièces avant de se rendre là pour les connaître par cœur, puis chanter par-dessus vos paroles, est-ce qu'on vous retrouve sur Internet? Est-ce qu'il y a des endroits où se procurer l'album? iTunes? Ouais. iTunes, CD Baby, puis le Le premier album est au complet sur Internet. OK. Puis, s'il y a des demandes spéciales, vous avez jusqu'à 6h30 pour les demander via notre Facebook. La setlist va être décidée à 18h59, juste avant la nuit du spectacle. Peut-être 20h30. Ah oui, OK. Donc, on vous retrouve ce soir à QTR en spectacle 2014. C'est à partir de 19h. Vous êtes en deuxième partie après les performances des gens qui vont être des participants, ouais, finalement. On a hâte de voir ça aussi, les performances des participants. J'ai hâte de voir ce que les universitaires vont offrir dorénavant. Génial. Merci beaucoup. Mimi Van Der Loo. Merci. Super. On retourne à Joanie et Fanny quelques secondes pour rappeler comment se procurer les billets. Les billets, ça c'est le mot en anglais. Alors, on peut aller à la coop. Oui, excuse-moi. À la coop étudiante au coût de 7$. Sinon, on peut se rendre sur place au coût de 10$. Puis, si vous connaissez des participants, vous pouvez aussi leur en acheter. Superbe. Génial. Ouais. Sinon, est-ce que ça fonctionne encore l'application de dernier jour? Non, c'est pas dans le dernier jour. Hein. C'est ça. Ça finissait. C'est fini. Ben, ça finit ce matin à 11h, en fait. Fait qu'il reste quelques heures, une heure et quelques minutes, mais ouais, c'est ça. Vous êtes mieux de venir en acheter le soir de l'événement. Donc, ce soir, on vous attend à 19h. Oui, et les informations sur la page Facebook QQTR en spectacle 2014. Oui, exactement. Allez là-dessus, vous allez voir tous les détails pour la soirée. Super, ça va être une très belle soirée sur QQTR en spectacle 2014, 19h, Cégep de Trois-Rivières. Merci, Joanie Gagnon. Fait plaisir. Merci, Fanny Saint-Gelais. Merci à vous. À une prochaine fois. Merci encore une fois, Mimi Van Der Loo. Merci, oui. Ça fait plaisir. Et nous, on prend une petite pause. On vient après la pause avec François Landry, sa chronique Logocratie 101. OK, oui. Et plus tard, on va manger Mium Mium. Oh, il y a un bignon. Avec la bouffe de la semaine, restez là. Imaginez 3 heures! Les Pablo Rassé Fous, les jeudis de 15h à 18h, on rappelle les vendredis à 17h et les dimanches à midi. Génie en liberté, émission d'actualité et d'information, tous les mercredis à 14h. La Julie Factory, c'est une boutique de laine et un atelier d'art textile. Venez vous détendre dans notre salon de tricot. Pour débuter ou vous perfectionner, notre équipe de pros vous éclaire à trouver des idées originales et adaptées à vos habiletés. Plusieurs choix de fils et de laine s'offrent à vous. Cascade, Noro, Fleece Artiste, Zara sont disponibles sur place. De plus, nous avons tous les accessoires pour vos projets de tricot, de tissage, de feutrage et de filage. Obtenez 10% de rabais sur présentation de la carte étudiante. De l'aiguille au rouet, en passant par les métiers de table, la Julie Factory est imbattable. 140 boulevard Louis Fréchette à Nicolet. Soldats, vous êtes prêts? Ça fait des semaines qu'on se prépare, alors on passe à l'attaque! Défendez vos femmes, votre pays, mon Dieu! Avez-vous des questions? Ouais, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut aller aux toilettes avant? Aux toilettes! Aux toilettes avant! C'est con, hein? C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi, le 17 mars, venez voir les Rouges affronter les Verts dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. Comme d'habitude, 19h30, Chasse-Galerie, gratuit. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi 13 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Ah, on a eu une première heure vraiment chargée. Ça va continuer comme ça, je pense. Ouf! C'est une émission assez remplie, comme on les aime, remplie de bonnes choses, dont de la politique. Et, politique. apparemment qu'il se passe des affaires en politique, qu'il se passe tout le temps quelque chose en politique. Il y a toujours de quoi, sinon on trouve de quoi. C'est ça. Donc voici notre ami François Landry et Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Game Royale. Gang System. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Et c'est le Go Classy 101. François Landry, bonjour à toi. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour, bonjour. Bonjour Stéphanie. Hello. Vous allez bien? Oui. Oui. Je sais qu'il se passe bien des affaires en politique. Il y a des affaires dont vous avez peut-être entendu parler. Et je ne sais pas si tu vas nous en parler parce que je ne sais pas à l'avance ton thème cette semaine. Hein? T'as pas été sur Facebook? Non, du tout. Mathieu. J'ai animé une émission de radio. On va aller sur Facebook, désolé. Mais de quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui? De Monsieur PKP. Non. Non. Ben non. Ben non. Ça se passe pas, ça. Ça a pas lieu. Tout le monde en parle. Je dis, c'est fou qu'on en parle. C'est quand ça. Même, là. On est bon. Là. On est à assemblage requis après Monsieur Patate. Oups. Monsieur PKP. Ah, c'est ça que ça veut dire, les PKP. C'est patate, cas, patate. Patate à copatate. J'aime ça. Ben ouais. Oui, donc Pierre-Carl Pelladeau, pour ceux qui ne savent pas. Okay. La tête à Pelladeau, non, ça c'est Papineau. Papineau, okay. Non, ça c'est comme l'autre, là, okay. Notre gang. Donc, on pourrait dire, avec l'annonce de PKP, tremblement de terre, tsunami, bombe. Chercher, ben, tu sais, apocalypse, hein? Ouais, on pourrait. Ouais. Cherche PKP dans le dictionnaire et tu vas sûrement trouver sa face à côté du mot. Hein? Non, c'est une joke. C'est une joke. Mathieu. OK. Mathieu. Ah, là, je cherchais mon dictionnaire, j'avais ça d'ouvert. Oui, oui. OK. PKP, c'est pas juste du beatbox. Non, non, du tout, non. Non. Il fait non. Pas du poulet frit, lui? Peut-être. Non, ça, c'est. Tu te trompes avec son cousin, PF. F. Ah, okay, ouais, okay. Oui, oui. Qui est pas dans le même ordre. Non, c'est ça. Pierre Farle. Quel ado. Quel ado. C'est ça. Quel ado. What a teenager. Oui. Non, mais on fait bien des blagues, mais une chose est sûre, le monde politique a été secoué par sa candidature. Depuis quelques jours, on ne fait que parler de PKP au bulletin de nouvelles, dans les journaux, à la radio, à la télé, dans la rue, dans nos discussions. Même, j'ai rêvé à lui cette nuit. Je suis comme saturé de Pierre-Carl Pelladeau, là. À un moment donné, wow, ça va faire. Hein? Oh, j'ai dit wow! Oh, j'ai dit wow, certain. Donc, l'effet PKP, comme on pourrait l'appeler, se fait sentir, va se faire ressentir à court et à moyen, à court et long terme. Il n'y a pas de moyen ici. Nous autres, on évacue, on est dans les deux extrêmes. Okay. On évacue. On évacue. Donc, à court terme, l'acte de foi. Pauline Marois demande à ses militants de gauche, pro-syndicat, de faire un acte de foi. Avec M. Pelladeau, la souveraineté se rapproche. Il donne un élan vers le but ultime, mais il faut avoir un gouvernement majoritaire. Mettez de côté certains de vos principes pour la cause souverainiste. Parce que présentement, le PQ, c'est un parti qui rassemble gauche-droite, nationaliste, souverainiste. Et là, on dit à l'aile gauche, ferme ta gueule, pour l'instant, là, on va faire la souveraineté, puis ensuite on chicanera. Sauf que là, l'aile gauche, dont ici Alexis Deschênes, qui se présente dans Trois-Rivières pour le PQ, est un de ceux qui a critiqué ouvertement Québécois alors qu'il était lui-même journaliste à TVA. Ah, oh, oh. Oui. Il mangeait la main qu'il nourrissait. Oui, ouais, il l'a mordu. Je mordu. Préfère mordre que manger. Moi, j'avoue que ça se dit pas pendant de manger. Il a liché. Pendant le conflit au Journal de Montréal, on se souvient, ça a duré 2 ans, le lockout décrété par Pelladeau contre le syndicat. Donc, Alexis Deschênes, ici, avait sorti ouvertement. Et là, cette semaine, avec l'annonce de PKB, non, non, non. Pelladeau, je suis content qu'il soit dans mon équipe. On va faire la souveraineté ensemble. J'ai une grosse poignée dans le dos. Une grosse, là. Ça fait mal. Je dors mal ces temps-ci. Aussi, la séduction de la CAQ. Pierre-Carl Pelladeau est à droite. Hein, ça, on ne se le cachera pas. Il n'a pas les syndicats en odeur de sainteté. Il les aime pas, tout simplement. Il déteste les syndicats. Il a d'ailleurs 14 lockouts à son actif. C'est un record. Il a décrété 14 lockouts. Un lockout, c'est quand le boss met en grève les employés, oui. Et non pas le contrat. Mm. Donc, l'électorat de la CAQ pourrait être séduit. On sait, dans 4-5-0, près de Montréal, dans la couronne nord, surtout la couronne sud, c'est CAQ, PQ qui se chamaille là. Et là, la CAQ antisyndicale pourrait dire « Oh, PKB, ça me tente, que le Parti québécois est rendu à droite. » Ben, il est rendu à droite. Est à droite, on confirme, il n'est pas rendu à droite, il l'a toujours été. Le PLQ est sur la défensive. Le Parti libéral aime dire qu'il est le parti de l'économie. Mais en recrutant M. Pelladeau, un homme d'affaires très respecté et aguerri dans le monde entier, le PQ marque des points sur cette question. Parce que maintenant qu'ils vont vouloir promouvoir la souveraineté du Québec, ils vont avoir le boss des boss, là, celui qui contrôle 40% de l'information au Québec, c'est PKB. C'est un homme d'affaires très respecté et très craint dans le Canada anglais. Et là, si on dit au PQ, PKP dit « Dans un Québec souverain, l'économie pourrait se porter bien. » On pourra juste lui faire confiance. Il sait de quoi il parle, c'est un homme d'affaires. Parce qu'avant, c'était des poètes. Est-ce qu'on va croire un poète qui va dire « Le pays du Québec va avoir des oiseaux bleus dans le ciel partout, tout le temps? » C'est beau, c'est beau entendre ça, mais est-ce que ça va vraiment conforter les gens dans le trouble? économique qu'il pourrait y avoir, qui pourrait ressortir après un référendum. PKB pourrait les rassurer. Donc, et à long terme, la souveraineté, c'est le but ultime du PQ, sa raison d'être. Pierre-Carl parle beaucoup de souveraineté. Il l'a fait d'ailleurs avec le poing en l'air, avec passion. À sa conférence de presse, Pauline Marois est à côté et elle cherchait les caméras, les micros pour parler. PKB plutôt brandit le poing comme on a fait des années 60 dans les luttes là, du peuple, de libération des peuples. Puis j'ai eu un petit frisson. Je dis, ouf, est-ce que le PQ parlerait de souveraineté à nouveau? Pour une fois. Qu'il y a quelqu'un qui convainc qu'il y a une passion, il y a un désir d'eux. Parce qu'avant, c'était Pauline qui avait fait son discours en fin de semaine à un congrès. Et elle a dit, j'en veux un pays. Tout le monde s'est mis à applaudir et à s'est mis à rire. C'est pour ça qu'ils vont me convaincre. Exactement. Donc, le dauphin. Pauline Marois est le chef incontesté du Parti québécois jusqu'à maintenant. Elle est la dame de béton, comme on préfère l'appeler. Celle qui a écouté son caucus et éliminé, à force de persuasion, un vent de mécontentement il y a 3 ans. On se souvient quand Pierre Curzi, Lisette Lapointe, Jean-Martin Hossan, Daniel Ratté et Louise Baudouin avaient claqué la porte du Parti québécois à quelques jours d'intervalle. Son leadership était fortement contesté et là, elle a rassis tout le monde et l'a obligé tout le monde à la suivre. Et c'est là qu'on l'a baptisé la dame de béton parce que c'est une femme dure qui a beaucoup de résilience. Mais il faut pas oublier que le béton au Québec a pas bonne réputation. Il y a des cracks. Elle aura 65 ans dans 2 semaines. On va fêter sa fête pendant la campagne électorale. C'est jeune pour une politicienne et en plus, elle a plus d'énergie que nous trois réunis ensemble, je suis certain. Hein? Elle court partout en petit talon haut, là, faut le faire quand même. Mais des militants du PQ pensent sûrement que M. Pelado fera un dauphin exemplaire. Donc, il se présente pas en politique, lui, pour être député. On s'entend qu'il va être minimalement président du Conseil du Trésor. Donc, celui qui détient les cordons de la bourse entre les mains. Un ministère veut avoir de l'argent pour tel programme, c'est Pelado qui va dire oui ou non. Et la personne qui contrôle le trésor contrôle le gouvernement. C'est lui le boss. Comme le Pafoura. Oui, les boyards. Lui, il n'y a pas d'énigmes. Mm-hmm. C'est oui ou non. C'est des réponses. Okay. C'est pas de question. Et ensuite, est-ce que Pauline Marois va tirer sa révérence après son mandat? Probablement. Elle va être rendue à 69, 70 ans. Ça commence à être. Parce que la politique, c'est épuisant. On voit tout le monde devenir les cheveux blancs en un mandat. Et Pauline, ça fait depuis 84, je crois, qu'elle fait de la politique. Elle commence à être fatiguée, elle est encore pleine d'énergie, mais avec le temps. Et PKP, jeune, beau bonhomme. Fringant, oui. Récemment célibataire. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Je pensais plus à ces potins-là, moi, non, 7 jours, tout ça. Il faut lire ça, Mathieu. Ben, je sais bien. Si les meilleurs potins sont là. Mais ça. Hey. La cible maintenant. La première vraie journée de campagne de M. Pelado n'a probablement pas été celle souhaitée par le PQ. Les nombreuses questions sur ses actions dans Québécois, Inc., son influence dans les médias et les possibles conflits d'intérêts qui se présenteraient s'il était ministre ont écarté Pauline Marois de l'écran radar, tout simplement. On ne voyait plus elle. Nomme-moi une promesse électorale depuis dimanche. Merci. Comme si t'allais avoir une réponse de moi. Ben oui, j'espérais. Au cas où tu dises, ben oui, on parlait des voitures électriques. Non, mais tu sais, ils n'en ont même pas parlé. Il n'y aurait plus. Ben, ça leur tente pas. Les autres, c'est le pétrole d'Anticosti qu'ils veulent. Il ne faudrait pas que PKB devienne une distraction négative. Et ça l'est devenu cette semaine parce qu'on entend juste parler de lui. On parle même plus de la campagne électorale. Ce n'est que de Pierre Carl. Je reviens sur la souveraineté, parce que c'est un sujet très important. Autant la présence de Pelado pourrait stimuler les militants souverainistes, parce qu'il en parle beaucoup et semble vouloir le faire relativement rapidement, autant des électeurs qui souscrivent aux politiques du PQ, dont la charte, qu'on n'entend plus du tout parler, hein? Alors que c'était le fer de lance de la campagne électorale, la vision économique, qu'on n'entend plus parler, le budget, on n'entend plus parler, et les programmes sociaux, dont on pourrait mettre des bruits de criquets, parce qu'ils ne parlent pas de programmes sociaux. Donc, ces électeurs qui ont peur d'un référendum pourraient se réfugier ailleurs. Tu sais, ceux qui sont nationalistes, mais qui sont fédéralistes. Donc, comment dire? Ceux qui veulent pas de souveraineté du Québec, mais qui veulent un Québec fort dans un Québec... Dans un Canada uni. Ouais, quelque chose en même. Donc, manger la main de la personne qui nous... C'est des phrases par rapport. Tout à fait, tout à fait. Tu serais un bon politicien. Merci. Moi, je te suis n'importe quand. T'es fin. Oui. Et mentable. Ben, un bon politicien. Ça, oui, exactement. Écoute, une chose est certaine, par contre, on n'a pas fini de sentir les répliques du tremblement de terre PKP, ou la bombe nucléaire, ou l'apocalypse, comme tu disais. L'apocalypse, ben, tu sais, tout ce qu'on sait, c'est parce que Pierre-Carl Pelado, là, tu veux pas te mettre la Pelado, tu sais, tu veux pas te mettre la Pelado. Ouais, non, La Pelado. Ouais, non, là, c'est très bon. C'est un public facile, je trouve. Ouais, ben, la phrase est cute. C'est juste qu'elle est joué qui se présente et qui m'offre une job. Faut que je sois quand même. Ah, OK. C'est de la politique, ça fait. C'est de la politique. Un des premiers défis de M. Palado, et il est considérable, est lié à l'empire médiatique québécois. S'il veut en conserver la propriété par l'entremise d'une fiducie sans droit de regard et accéder éventuellement à des fonctions ministérielles, il y a un problème. Et pour ce qui est des fonctions de premier ministre, puisque M. Palado, comme je le disais tantôt, n'a pas fermé la porte à cette option-là, le problème prendrait encore plus d'ampleur. On se souvient, en Italie, il y a quelques années, Silvio Berlusconi, qui contrôlait la quasi-totalité des médias, était devenu président et contrôlait donc toute la propagande gouvernementale. Donc, il n'y avait plus aucun journal ou presse qui pouvait critiquer le gouvernement sans avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce que les différents médias de Québécois sont mal pris. En ce moment, ils n'arrêtent pas de se défendre apparemment par rapport à ça. Comme oui. De quoi qu'ils sont, je leur donne, je les respecte dans cette décision-là de dire non, on va critiquer, on a déjà critiqué et on va continuer de critiquer. Mais c'est quand même, on aura toujours le doute. À savoir, est-ce qu'il aurait pu être plus méchant, plus mordant? Est-ce qu'on cachait quelque chose, c'est ça? Donc, on aura toujours le doute. Mais je fais confiance à la meute journalistique. Même si c'est le Journal de Montréal. Quand même, tu sais, il y a des bons journalistes, des bons chroniqueurs, mais j'aurais toujours le petit doute à savoir est-ce qu'ils protègent leur boss au cas où ils reviennent à l'Empire québécois. Si je suis très méchant avec toi, Mathieu, puis qu'à un moment donné, je deviens ton collègue de travail, ça se pourrait que tu me fasses... Un petit coup de pelle dans le dos, comme on dit! Une pelle à dos! Voilà, une pelle à dos. Tout à fait. Oupa! Donc, il est plutôt rare que les barons de la presse se lancent eux-mêmes en politique active. Au Canada, au Québec, ça s'est pratiquement jamais vu. À part Conrad Black, qui a été un magnat des médias, mais qui n'a pas fait de la politique active, mais qui a été dans le cercle fermé des premiers ministres. Le cercle des fermières. Des ministres. Donc, confier des pouvoirs politiques et médiatiques à une seule personne offre un potentiel considérable de conflit d'intérêts. Selon le code de déontologie du gouvernement, un ministre doit se retirer des discussions du conseil s'il a des intérêts personnels en jeu. Ce qui est juste normal. Ben oui. Hein? Conflit d'intérêts, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, un exemple concret. Sur la politique du prix unique du livre, la loi n'est pas encore adoptée. Il y a eu un projet de loi, des études et tout ça, mais la loi n'est pas encore adoptée. Palado devrait-il se retirer des discussions, étant donné qu'il est propriétaire des librairies Archambault? Oui, c'est ça. Bon, réponse de Pierre-Carl Palado, et je vais citer pour être sûr de me faire traîner en justice pour rien. « Nous sommes libraires et nous sommes éditeurs. La politique du prix du livre unique peut nous favoriser et nous défavoriser. Je m'apparais être éventuellement une personne ressource très intéressante pour participer au débat. Et ce n'est pas parce que je participe au débat que je vais prendre la décision. » Il n'y a pas tort, il n'y a pas, raison. Il se tient exactement à la ligne. C'est ça, la ligne est très, très mince. Un coup de vent, puis il peut basculer d'un bord ou de l'autre. Ouais. Donc oui, c'est une personne ressource. Il connaît ça, mais en même temps, il peut influencer de par un froncement de sourcils politique. C'est hein? Ça. Il pourrait dire... Ça coule de source un peu comme un... Pelado, mais tu sais, oh, comme de l'eau. Pelado de source. Ouais. Pelado de source. Donc, M. Pelado a finalement indiqué qu'il se retirait de délibération si ses collègues ministres le lui demandaient. Donc, moi, je me retirais pas, mais si vous insistez, je pourrais peut-être éventuellement penser à quitter. Bon. Mais comme le dirait l'autre, hein, on verra ce qui va arriver. Donc, Pelado, pour l'instant... C'est une énigme. Il occupe toute la place publique. Il a fait, pas dérapé la campagne électorale, mais il l'a fait du moins aller dans une direction peut-être pas prévue par les stratèges péquistes. La campagne est encore jeune. Il y a encore beaucoup de chances de déraper ou d'inspirer. Ouais. Reste que c'est un sujet énormément intéressant et qu'on va on va s'en reparler, c'est sûr. C'est certain, Mathieu. Voilà. C'est tout. Oui, merci, François. Ça fait plaisir, M. Plante. Oui. Pierre-Carl Palado, le nombre de jeux de mots qu'on peut faire avec son nom est beaucoup trop exponentiel. Il est aussi gros que son empire. Que son empire, voilà. Fait que là, t'as le cerveau qui chauffe, Mathieu. Ben, un peu, tu sais. S'il avait été bon, ça aurait été encore. Donc, François Landry, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 8h30, pour notre chronique Logocratie 101. Oui, monsieur. Merci. Toujours Assemblage requis. Tout à l'heure, ce sera la bouffe de la semaine. Et la malbouffe? Ben, tu pourras aller ensemble, c'est ça? Parce que quand t'as bien mangé, il faut que t'annules ton vote, comme en politique. Et pour accompagner cette chronique de politique, voici l'endroit où se retrouveront peut-être ces candidats lorsqu'ils gagneront leur élection. Dans un palais de mélamine. Je sais pas, je le titre, c'est cute, ça n'a aucun rapport. Ben non. Hein? C'est mardi noir. C'est même pas un mardi qu'on va voter, en plus, c'est ça. Aucun lien. We'll be right back. Palais de Mélamine, une nouvelle entrée de Mardi Noir sur le palmarès francophone. C'est vraiment très, très bon. Ben oui. Deuxième extrait. Deuxième. Déjà? Deux fois. Deux fois Mardi Noir. Au retour à la bouffe de la semaine. Et je te réserve, je vais t'avertir, je te donne un petit indice pour ma malbouffe de la semaine qui va m'accompagner. Ben c'est quelque chose que tu n'auras pas envie de goûter au déjeuner et que tu vas m'en vouloir de t'avoir fait goûter ça au déjeuner. OK? OK, ça veut dire que soit c'est gras ou salé ou non? Non. C'est une énigme. Ouh là là! Au retour à Assemblage Ricky, restez ouh là là! Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui! Samedi, le 15 mars, le café-bar Le Zénobre reçoit la formation de Québec La Chose pour une prestation de rock sale à saveur de Jean-Cy Vincent. En première partie, le duo Camaro avec Pierre Brouillet et Alexandre Dosti. La Chose, un spectacle à ne pas manquer, ce samedi 15 mars au café-bar Le Zénobre, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punka tous les jeudis. Non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h. Sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Avis de recherche. Toi. Rejoins l'équipe de C'est fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. Suivant. Qu'est-ce qui te vaut cette présence en enfer, mon cher? Ah, je le savais que ça finirait mal, cette histoire-là. De quelle histoire tu parles? Écoute bien, j'étais à la barrique, puis là, j'étais vraiment en train de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand tout à coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais pourtant allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La barrique puis ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur officiel ici. C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Encore le temps, j'avais oublié l'Info Campus. Info Campus! C'est bon, ça? Voici maintenant votre capsule Info Campus. Le 26 mars prochain, l'Université du Québec à Trois-Rivières accueillera sa première table ronde sur l'avenir du Québec, intitulée « Sommes-nous alarmistes quant à l'avenir du livre au Québec? » Pour l'occasion, plusieurs invités du domaine de la conception littéraire seront présents, dont Antoine Tanguay, éditeur aux éditions Alto, Lucie Lachapelle, directrice au développement chez Coopsco, ainsi que Sébastien Dulude, écrivain et doctorant en lettres et communication sociale de l'UQTR. La table de discussion sera animée par Patricia Power et se tiendra de midi à 13h à la cafétéria de l'Université. Les 26 et 27 mars prochains se tiendra la 21e édition du concours d'affiches scientifiques de l'UQTR. Le concours est ouvert aux étudiants de tous les cycles d'études et vise l'atteinte de plusieurs objectifs liés au développement de la relève scientifique. Cet événement permet entre autres aux participants de prendre connaissance des travaux de leurs collègues des autres secteurs d'études, d'initier les étudiants de premier cycle à la recherche et d'offrir aux étudiants de cycle supérieur une plateforme supplémentaire pour la communication scientifique à l'intérieur de leur institution. Les participants au concours d'affiches scientifiques courent la chance de se mériter une bourse d'excellence. L'événement se tiendra au CAPS Léopold Gagnon ainsi que dans le hall Gilles Boulet de l'UQTR. Le service d'aide à l'emploi de l'Université du Québec à Trois-Rivières présente la 14e édition de la journée carrière. L'activité est présentée aux étudiants, aux finissants ainsi qu'aux diplômés pour leur offrir une visibilité auprès des employeurs potentiels. Des employeurs de tous les milieux ainsi que des organismes venant en aide aux chercheurs d'emploi seront sur place pour offrir de l'information relative aux nombreuses perspectives d'emploi et de stage. La journée carrière se tiendra le mercredi 19 mars prochain au CAPS Léopold Gagnon de 11h à 16h. L'association Bac Vert présente l'activité « Projection de documentaires environnementaux ». Les films sont présentés à partir de 17h au local 3231 Albert-Tessier au deuxième étage de la médiathèque. La prochaine projection sera le 20 mars avec le film « Home » de Yann Arthus-Bertrand. D'autres projections sont à venir au cours de la session. C'était votre capsule InfoCampus. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. C'est difficile de te faire à l'idée sûrement de manger quelque chose ou boire quelque chose le matin qui devrait pas être mangé ou bu le matin. Je te donne des indices vraiment flous, mais ça s'en vient dans après la prochaine chanson. Tu vas goûter à quelque chose que le matin, les gens... Il y a comme un préjugé envers ça, je pense. Une langue de porc dans le vinaigre. Non, pas une langue de porc dans le vinaigre. En fait, une langue de porc dans le vinaigre, il y a des préjugés à journée longue, je pense. Ah oui, en effet. La pizza frite. Ah, ce serait le fun si je pouvais... Ah, j'aimerais ça. Ah, c'est fait que c'est pas ça? C'est un défi, sinon c'est pas ça, mais ce serait le fun. Mais en même temps, c'est que la règle de la bouffe de la semaine, c'est qu'il faut pas qu'on ait goûté à l'avance, t'sais. Mais ça pourrait être une nouvelle pizzeria. Fait que je l'achète, je la fais livrer, je la mange pas, j'attends au lendemain, puis je l'amène ici. C'est ça. Bon deal. Une bambino, mettons. Une bambino. Bambino. Donc, avant de passer à la bouffe de la semaine, ça va être un classique, j'en suis certain, tout à l'heure. Pour l'instant, voici une autre pièce de Mimi Van Der Loo qui va être en spectacle ce soir à UQTR, en spectacle 2014. Ça se passe à 19h au Cégep de Trois-Rivières pour vous, les auditeurs du jeudi matin. Donc, voici Plus je crie. C'est toi qui l'as choisi. Oui, je l'avais dans la tête un matin. Mimi Van Der Loo, Assemblage requis. Parfois, j'écoute la nuit qui rentre. J'entends le dégoût dans vos silences. Le corps est rincé par le temps qui passe. La fatigue gravée sur ma peau. La vie adulte est une thermopompe qui me donne froid. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours et à jamais. Jusqu'à ne plus sentir ta peau. Du bout des doigts jusqu'au tréfonds de mes os. La vie adulte est une thermopompe dans froid, dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours et à jamais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. De Stéphanie, la dictatrice en chef. 10-06, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent la merde. Oh, des fois, je suis plus sûr. Des fois, je me demande qu'est-ce qu'il dit. Est-ce qu'il dit « oh yeah » ? Est-ce qu'il dit... Je me rappelle pas du mot, des fois. de ce que Dani fait dans sa bière de la semaine au dîner de con. Mais c'est pas grave, c'est notre propre chronique. Qu'est-ce que tu dis là? On se l'approprie, on va mettre un autre mot, genre bullshit! Donc, c'est la bouffe de la semaine avec Stéphanie Paradis, qui nous présente quelque chose de santé. Là. Ben, j'ose le croire. Donc, aujourd'hui, je vous présente, c'est une boisson au chanvre biologique. Le pot, là? Ben, c'est la plante d'où est tiré le pot. Okay. Mais le cannabis, comme on pourrait dire. Mais tu sais que c'est pas toujours. C'est pas toujours de la drogue. Là. On peut faire d'autres choses avec ça. Tu peux faire autre chose. Chez nous, j'ai la farine de chanvre. Okay. Mais c'est la première fois que je vois ça. Une boisson au chanvre biologique. Donc, c'est la marque Hemp Bliss. H-E-M-P. Là. Pareil comme l'équivalent en anglais de. De ça. Puis Bliss. Bliss, bonheur et genre, t'es comme dans les vapes, tellement t'es heureux. Wouhou! Bon! Ouais. Donc, on aime ça parce que c'est bourré d'oméga 3 et d'oméga 6 et que c'est une excellente source de calcium. Ça fait de l'oméga 9, ça, j'imagine, si tu s'additionnes, j'imagine. Non. Donc, moi, je me suis gâtée. J'ai pris la saveur chocolat. Ah! Okay? Mais bien entendu, on retrouve la version à la vanille. Mm-hmm. Il y a original et original non sucré. Okay. Je me suis original non sucré. D'habitude, je ne suis pas fan que ce soit soya ou boissons aux amandes et tout ça. Donc, je préfère au moins la version originale sucrée. Là. Ouais. Mais je me suis dit, oh, je me garde, on y va avec chocolat. Donc, déjà, il y a beaucoup plus de calories là, dans celle au chocolat, mais on s'entend, c'est quand même pas la fin du monde. Là. Donc, il y a 130 calories pour une tasse. Ce qui est très drôle, c'est que les traductions sont vraiment mauvaises sur l'emballage. Parce que déjà, c'est écrit chocolat, boisson non laiterie. Okay. Il n'y a aucune laiterie là-dedans. Non, il n'y a pas de laiterie. Donc, il n'y a pas de recontour. Facile à plier. Donc, c'est ça. Donc, c'est un breuvage non laitier. Wow. OK. Donc, pratique pour les gens qui ont des petits problèmes de digération de laiterie. Ouais, des problèmes entre les couvertures, comme on dit. Intolérance ou... Ouais, OK, plus fort. Aussi, une autre mauvaise traduction, ça, je trouve, c'est sur tous les emballages, fait que probablement, c'est pour les autres saveurs, c'est les mêmes erreurs de traduction. Donc, en anglais, c'est 250 ml une tasse, mais en français, c'est 250 ml pour une cuillère à soupe. Ah, OK. C'est du copier-coller raté, ça, je pense. Hein? Donc, à faire attention, là, c'est vraiment une portion d'une tasse, non d'une cuillère à soupe. Je trouvais ça intense, 130 calories pour une cuillère à soupe. Okay? C'est un élixir, vraiment, là, pour te remettre là, sur le piton du sucre. Ah oui, non! Donc, ça contient 5 grammes de lipides, mais des bons lipides, seulement 0,5 grammes de gras saturé. Mais sinon, on retrouve 4 grammes de gras polyinsaturé. Et on a appris avec Cindy Gilbert, une chroniqueuse ici, Assemblage Requis, que les polyinsaturés, c'est du bon gras. Donc, on n'a pas peur de consommer 4 grammes de gras polyinsaturé. De se fumer un verre de... C'est ça. On a aussi 3 grammes d'oméga 6, ce qui est quand même beaucoup. C'est très, très impressionnant. Et 1 gramme d'oméga 3. Et on a 0,5 grammes de monoinsaturé, qui est aussi un bon gras. Donc, c'est vraiment génial. Ça contient des très bons gras. Aussi, il n'y a pas de cholestérol, très peu de sel. Quand même beaucoup de glucides, parce que là, j'ai choisi la version au chocolat. Donc, oui, il y a beaucoup de sucre dans celle-là. Mais si vous voulez consommer autant d'oméga 3, d'oméga 6, des bons gras, vous pouvez aller chercher une autre saveur qui est vraiment réduite en sucre, vraiment intensément. Là. J'ai vraiment la portion très, très sucrée. Et 3 grammes de protéines, ce qui est quand même correct. Donc, les ingrédients, base de chanvre biologique. Donc, ça, c'est de l'eau filtrée, des graines écalées de chanvre biologique. On a du sucre de canne, poudre de cacao biologique et équitable, de l'huile de chanvre biologique. Donc, c'est des trucs quand même très... pas mal tout biologique, je te dirais. Sans lactose, sans agent de conservation, sans cholestérol, c'est cool. Mm-hmm. Oh, ça dit attention de ne pas utiliser comme préparation pour nourrissons. Ah. Mais c'est la même chose avec boissons aux amandes et tout ça. Donc, il faut faire attention avec ça. Donc, si t'es intolérant au lactose, c'est pas avec ça... donc, c'est pas avec ça qu'il faut y aller. Non. C'est un produit canadien, donc c'est très intéressant. C'est un tétrapack, si ça vous intéresse. Donc, c'est le petit bouchon de plastique cheap avec un morceau d'aluminium en dessous là, que j'aime pas vraiment. Mais c'est ça. Quand même. Ouais. Donc, ça, c'est en fait... Ah, c'est fait au Manitoba. Je viens de voir ça. C'est Manitoba Harvest. Ça nous dit que c'est fondé en 1998. Manitoba Harvest est le plus important fabricant d'aliments à base de chanvre au monde. Propriétaire agriculteur à intégration verticale. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Nous sommes fiers d'offrir Hemp Bliss, la boisson au chanvre biologique de la meilleure qualité qui soit. Manitoba Harvest offre d'autres produits nutritifs et délicieux comme les graines de chanvre écalées, l'huile de chanvre, le beurre de graines de chanvre. Je serais vraiment curieuse de goûter à ça. Fier commanditaire de l'émission Chambre en ville. Hey, celle-là est bonne. Merci, je vais la noter. Oui. Et une gamme complète de poudres de protéines de chanvre. Donc, pour de plus amples renseignements, visitez www.manitobaharvest.com. Yeah! Je l'ai dit bilingue. Ben oui, bilingual to tongue. Oui, c'est ça. Ben écoute, c'est cool. OK. Mon Dieu, il y a encore plein d'autres choses décrites sur l'emballage. Ils sont vraiment donnés dans les instructions et tout ça. On sait de quoi on parle. Ben oui, fait que Emblis, ça nous dit que c'est une boisson chanvre biologique super crémeuse, super délicieuse, super nutritive. Donc, ben, crémeuse et délicieuse, on va pouvoir vous le dire tout, ben à oui. l'heure, tout à l'heure. Nutritive, ça, on le sait déjà. C'est des faits. Hein? C'est pas en y goûtant qu'on va pouvoir dire « Ah, oh, c'est très nutritif! » on nous dit que Hemp Bliss est pleine de bons acides gras oméga, nécessaires pour garder un corps en pleine forme et en bonne santé. Prenez plaisir à nourrir votre famille avec une boisson exempte d'allergènes courants et 100% végétarienne. Oh. La boisson santé Hemp Bliss. Refroidir, agiter et servir. Donc, à faire dans le bon ordre, hein? C'est très important. C'est ça. Prête à servir, Hemp Bliss est une merveilleuse façon de commencer votre journée. Hemp Bliss est offerte en saveur originale, vanille, chocolat et originale non sucrée. Mais gaffe, vois-tu, mais je l'avais dit de mémoire, mais ils l'ont écrit sur l'emballage. Des fraises. Fraises. Peut-être à venir. On sait pas ça date de quand, là, ce produit-là. Ça, j'ai pas goûté encore. Peut-être que j'ai trouvé ça dégueulasse, mais bon. On sait pas ce que ça goûte, le chanvre, là. Donc, à boire seul dans un verre, à ajouter au café... Thé, à un lait frappé, aux céréales ou à utiliser dans vos plats et recettes au four préférés. Tu vois, c'est bien pour le café parce que les laits d'amande et tout ça, ça ne se mélange pas au café. Il faut t'acheter du lait fait pour le café. Ben, on va pouvoir l'essayer après l'émission. Génial. T'as un bon litre là-dedans. C'est quoi, c'est un litre, le format? Oui, ça, c'est un litre. Donc, 4 tasses, donc 4 portions. Donc, combien de cuillerées à thé ou à soupe, selon la langue française? Je sais pas, mais je pense que ça équivaut à 3 poulets. D'accord, 3 poulets. En mesure de poulet. Toujours. Donc, il y a même des suggestions de recettes sur le site internet manitobaharvest.com. .com. www.com. Donc, ben écoute, moi, je suis très enthousiaste à goûter ça. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça goûte, la boisson au chanvre. On se roule un bat de lait de chanvre. Ça va être fabuleux. Micro magique, bien sûr, pour entendre l'ouverture. Avant, qu'est-ce que ça dit? On brasse dans le micro magique. Ça ressemble à n'importe quel autre lait en Tetra Pak. On remarque le son du Tetra Pak, vraiment, ici. Ah, j'ai... Il va falloir que je remonte ma trame pour pouvoir dire... Et je baisse la trame, voilà. Capuchon de plastique. Ah oh non, il est comme rentré en dessous. Il est tout le temps rentré en dessous d'un Tetra Pak. L'aluminium n'est jamais accessible par le doigt. Ben non, j'ai jamais eu ce problème-là. Ça fait tellement d'écho. Oh! Bon, le petit papier d'aluminium, on va mettre la trame. C'est toujours... Pour vrai, à chaque fois que j'achète des laits dans des Tetra Pak, c'est toujours ce qui me dérange le plus, c'est le morceau d'aluminium qui ne veut pas s'enlever jamais, jamais. J'arrive, je le perce avec un couteau des fois, le morceau d'aluminium. Non, mais là, le problème... Là, le problème, là, ouais. C'est parce que il est pas assez long. Il est pas assez long. Il est pas assez long. Je veux dire, il est pas rentré en dessous, il est juste comme coupé. Il est pas assez long. Wow. Est-ce que tu veux... J'ai un tournevis dans mon sac. Est-ce que tu veux un tournevis? C'est vrai? J'ai un tournevis. Je te le sors. Je vais ouvrir mon sac dans le micro magique. Mais qu'est-ce que tu veux que tournevis, Mathieu Plante? T'es pas manuel, c'est pour tes lunettes? Non, c'est un mini tournevis à disque dur et ordinateur. Je suis vraiment équipé en gris. Moi, j'allais juste ici. Il est très facile d'accès en plus. Non, ça, c'est mon crayon. Non, mais c'est ça. Je vais pas mettre ça là-dedans. Non, ça devrait être correct, d'après moi. Je l'ai pas vraiment utilisé. Je suis geek, mais pas tant que ça. Ah, je l'ai, tiens, ici. Voilà, prends ça. OK. Ça fait de la bonne radio en plus. On aime ça. Donc, on rappelle qu'on goûte à du lait de chanvre, à saveur de chocolat, dans un Tetra Pak de la compagnie Hemp. En fait, c'est le nom est Hemp Bliss. Ça vient de Manitoba Hemp Manufacturing Company. Manitoba Harvest. Manitoba Harvest, la moisson du Manitoba. On devrait se rendre dans les prochaines secondes. Ne vous en faites pas. Pas la peine de passer en musique pour ça. Est-ce qu'on l'a? Oui. D'accord. Ça va verser avec un minuscule bec verseur, vous allez voir. Je m'excuse, il y a un peu de cannabis sur ton tournevis. C'est pas grave, au moins il aura servi une fois. Ah, il est vraiment beau en passant ton tournevis. Je l'aime beaucoup. Donc, on a ouvert. Évidemment, on n'entendra pas l'aluminium dans le micro magique. C'est malheureux. Encore un petit dernier coup de brassage, de brassette, et on va pouvoir se verser ça dans un verre. D'ailleurs, un verre de carton provenant de la chasse-galerie qui sent souvent le pot, dépendant des jours de livraison, parce qu'il fait oui, en carton. C'est vrai. Donc, ça donne un drôle d'odeur. Je baisse la trame et on va verser dans un verre comme on verserait dans un verre. Quand tu sais pas quoi dire, ça. Ça sonne comme une diarrhée, ton affaire, ça va. Donc, c'était le versement. Non, ça va. Ok. C'était. Le oui, coulis. Le versage, le versement. Le versage, versement, c'est ça, en quatre versements. Égo. Égo. Ben, il faut que je mette ça égal. D'accord. C'est vraiment c'est des recettes presque qu'on fait, c'est du mélange de différents ingrédients dans un verre. Ouais, du carton, puis d'autres choses, là. Donc, Mathieu Plante. Stéphanie Paradis. Est-ce que t'es prêt à goûter à une boisson biologique au chanvre? Est-ce que c'est normal que j'ai peur un peu pour le goût? Je sais pas, on dirait que j'ai préjugé envers parce que j'aime vraiment pas l'odeur de tout ce qui est potesque. Non, non, mais on s'entend, ça n'a rien à voir avec le cannabis, là. Ça sent pas ça, ça sent vraiment le chocolat. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le sirop de chocolat, je dirais que ça sent presque le quick, le ben, sirop. Ça sent la boisson de soya au chocolat. Oui, en effet, mais on sent vraiment plus le chocolat que le soya. Ben, tu sais, il n'y a pas de soya ici, donc c'est normal. Oui, effectivement. Donc, ben, on y goûte? Igloo, igloo? D'accord. Mais c'est très bon. Je suis surpris, ça goûte absolument juste le chocolat. À mon avis, ça goûte vraiment comme le lait au chocolat classique. J'ai aucun arrière-goût de rien à date. Là, c'est la première gorgée. Ben non, Colin, j'aime donc bien ça. C'est même pas mal meilleur que le lait de soya au chocolat que j'avais essayé, que moi, j'avais pas tellement aimé ça. Ça dépend peut-être de la marque, mais j'avais ben pas le goût de soya est très, très fort aussi. Ouais. Boisson aux amandes aussi, le goût est très, très fort. Mais là, on sent que le goût de chocolat est vraiment très présent. Même à l'arrière-gorge, je ne sens pas... À l'arrière-gorge. J'invente des termes de... OK, mais des scientifiques. Ça goûte pas. Parce que j'avais l'impression que le chanvre goûterait. Puis j'aime ça parce que il n'y a pas d'arrière-goût, peu importe lequel. Le goût est constant. C'est très crémeux, comme ils ont dit aussi. Hein? Ah oui, ça, c'est vrai. C'est très délicieux aussi. Ça t'enrobe l'œsophage de chocolat. Mais... Sur la langue, est-ce que à la fin, on a comme l'impression d'avoir des particules de chocolat oui. qui restent sur la langue? Je dirais semi-poudreux. Mm-hmm, OK. Mais ça part vite. Sinon, écoute, moi, je trouve ça super intéressant. J'aurais jamais pensé acheter ça en magasin, donc le fait de en avoir parlé aujourd'hui pourrait m'en faire acheter. J'imagine que vous, à la maison, si vous entendez ce qu'on dit là, ça pourrait vous donner envie de regarder Hemp Bliss. Ben déjà, on pense pas qu'il y a ça. Moi, j'ai pas pris ça à l'épicerie. J'ai acheté ça chez Bulk Barn. Donc, dans la toute dernière rangée. Et il y a aussi une autre version que j'aimerais essayer. C'est au lin. Mm-hmm. Donc, une boisson biologique au lin. Mais je te dirais que à première vue, celle-là au chanvre semble beaucoup plus intéressante à cause de ses gras polyinsaturés et monoinsaturés. Donc, oméga-3, oméga-6. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment très, très intéressant. Surtout, par exemple, des gens qui mangent pas beaucoup de poissons, c'est déjà une des premières sources, en tout cas la plus connue, d'oméga-3 et d'oméga-6. Et ceux qui sont intolérants au lactose aussi, vous pouvez aller chercher une bonne partie de votre calcium en plus des oméga-3 et des oméga-6. C'est important. Et si vous voulez aussi réduire beaucoup dans le sucre, il y a autre chose que le chocolat. Donc, moi, je voulais nous gâter ce matin. Donc, il y a aussi vanille originale et originale non sucrée. Donc, les trois sont déjà beaucoup réduites en sucre. Et tu as dit en plus qu'on pouvait le mettre dans les céréales et dans le café. Donc, déjà, tu remplis pas mal mes doses de lait ou apparence lait. Oui, ou dans les laits frappés. Donc, sur le site Internet, il y a d'autres recettes. Donc, moi, ça m'intéresse vraiment d'aller voir toutes les options qu'on peut faire avec ça. Une bonne surprise qu'on a eue, là. Tu nous as fait boire des choses dans le passé. Toutes les choses, en fait, que tu nous as fait boire jusqu'à maintenant. Moi, je trouvais que c'était... toi aussi, en fait, t'as dit que c'était pas bon. Genre, on avait bu l'eau de noix de coco. L'eau de coco. Qu'est-ce qu'on avait bu d'autre aussi? Non, rien d'autre. Rien d'autre? Okay. Le lait de coco. C'était de la grosse... ça m'a marqué. Je dirais bien ça, de la grosse bouette. Bouette, voilà. Donc, c'est Hemp Bliss, par Manitoba Harvest. ManitobaHarvest.com. On retrouve ça chez Bulk Barn, des habitués maintenant de la bouffe de la semaine. Oui, et Caroline, c'est bon. Oui, très, très réussi au chocolat. Tu ne pouvais pas trouver mieux comme saveur en plus. Pour me convaincre. Tout à l'heure, la malbouffe de la semaine s'en vient. Mais pour l'instant, voici une nouvelle entrée de Ballader. C'est Pretty Face sur C'est fou. Oh, jolie face. Malbouffe de la semaine. Il y en a qui me disent des fois que je suis un peu rapide, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent la merde. Bada boum, bada bing, bada pow, pow, chicka pitchika, chicka chicka, wow, wow. Oula, Oula hoop! C'est la deuxième partie de la bouffe de la semaine qu'on appelle la malbouffe de la semaine. C'est un spin-off, une série dérivée, si on veut. Ouais. Et c'est ma partie. Celle où je compense pour cette nourriture trop de qualité qu'on a goûtée en première partie. Mais évidemment, on se parle pas en onde avant de notre produit. On veut surprendre l'autre. Mais non, c'est ça. Là, toi, tu n'étais pas au courant de ma boisson biologique au char et je ne suis pas au courant de tes langues dans le vinaigre. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et on sait pas non plus si quelqu'un va apporter quelque chose à boire ou quelque chose à manger. On sait pas ça. On peut au moins se dire la base, c'est manger ou boire pour pas amener la même chose deux fois parce que c'est peut-être ce que ça a donné aujourd'hui, deux choses à boire. Ah, pour vrai? Ah, pour vrai. Ah. C'est un hasard total, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Tantôt, je t'ai laissé comme indice, j'ai laissé tomber que c'était quelque chose que t'aimerais pas manger ou boire au déjeuner. OK. Qu'est-ce que j'aime... du V8. Non. Non, c'est santé, ça. Ouais, c'est un peu santé, mais en même temps, ça pourrait fêter le déjeuner. Ouais. De la liqueur? De la liqueur. Une boisson gazeuse pour déjeuner. Et c'est un préjugé que les gens ont depuis très longtemps. Mais tu sais, tu te rappelles, j'en ai déjà parlé à un moment donné. C'est normal, c'est déjà pas bon. C'est ça. Mais dans le passé, les gens déjeunaient avec de la bière. Tu te rappelles? À l'époque, il y avait des bières. Oui, j'avais 3-4 ans, je déjeunais avec de la bière à l'époque. Probablement. Donc, c'est ça, mais ça a fini par passer de mode. C'était plus à la mode de boire de la bière pour déjeuner. À la place, on boit du café, on boit des trucs comme ça. On ne boira pas du vin non plus pour déjeuner. Mais je pense que c'est une question de santé aussi. Peut-être aussi. La bière au déjeuner, je ne suis pas sûre que ça part la journée du bon pied. Sûrement pas, mais de la liqueur non plus. Ça commence pas nécessairement bien. C'est du sucre vraiment intense. Et là, je pense que je peux me garnir d'aller chercher le produit en tant que tel dans mon sac magique. Attention, tout est magique. C'est comme le bus magique, mais là, c'est le sac magique. Tellement. Si vous suivez un petit peu l'industrie du fast-food, des trucs bas de gamme, genre la liqueur, genre Pepsi, vous allez sûrement voir, vous avez sûrement vu, leur nouveau produit, le Pepsi Next. Le Pepsi Next. J'avais vu passer ça sur Facebook, sur des pubs américaines. J'avais vu ça à la télé, mais je ne savais pas que c'était déjà arrivé au Québec. Donc, c'est sûrement Worldwide Edition. C'est partout en même temps. Donc, ils ont sorti leur Pepsi Next et je l'ai trouvé à l'épicerie hier. Puis toi, t'aimes ça en plus, les Special Edition. Hein? Non seulement Special Edition, mais c'est leur nouveau produit phare pour la diète. Dans le fond, la version diète. Donc, ils veulent vraiment que ça... Peut-être pas remplacer leurs autres... je sais qu'il y avait Pepsi One, à un donné avec une calorie. Ça a été une petite mode pendant un certain moment. J'en avais même pas entendu parler. Je sais même pas si on en a eu au Québec. C'est pour ça d'ailleurs que le Pepsi Next, j'étais pour ça qu'on allait l'avoir parce que moi j'ai jamais vu le Pepsi One. J'ai vu le Pepsi Max, qui est la version sans sucre mais qui est supposée de pomper. Avant c'était supposé être une boisson style énergique ou énergétique. Après ça c'est devenu juste une boisson diète comme les autres qui avait changé de logo et tout ça entre temps. C'est super compliqué. Les produits Pepsi, des fois ils prennent le même nom pour deux affaires, formules. Ouais. Donc ici, Pepsi Next, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un produit naturellement sucré avec 30% moins de sucre que le cola ordinaire le plus vendu. Quand ils disent le cola ordinaire le plus vendu, c'est Coke et non pas Pepsi. Sinon, il y aurait marqué que Pepsi régulier. Ouais, on c'est ça. Là-dessus, OK, ça? C'est logique. En tout cas, moi, c'est ce que j'en déduis. On voit, comme toujours, les petits icônes dans le bas de la canette. Donc ici, on remarque 100 calories par canette. OK. D'accord, comparé à une version diète où il y aurait 0 calories par canette. Mais j'imagine que dans celle-là, il n'y a pas d'aspartame. C'est naturellement sucré. C'est ça. Les ingrédients ne sont pas compliqués. Je vais vous les lire. Eau gazéifiée, sucre. Et là, on parle de vrai sucre. C'est pas du sucralose. OK? Donc, tu sais, quand ils ont sorti le Pepsi Rétro, quelques années, c'était revenu en plusieurs éditions. Moi, je ne l'ai pas vu depuis un petit bout quand même, mais je le cherche tout le temps. Le Pepsi Rétro, c'était le Pepsi avec du vrai sucre. C'était très, très rare, très recherché chez les fans de liqueur. Oui, mais Pepsi régulier, c'est pas du sucralose. Non, c'est du sirop de maïs. OK. Voilà, c'est le mot que je cherchais, sirop de maïs. Donc, d'habitude, dans les liqueurs, ça coûte moins cher, le sirop de maïs. Quand il y a du sucre, c'est que c'est une édition spéciale. Coca-Cola, dans d'autres pays, ont aussi fait des versions avec du sucre normal, alors que dans leur version habituelle, Coca-Cola classique, c'est du sirop de maïs. Donc, je continue les ingrédients. On a dit eau gazéifiée, sucre, colorant caramel, évidemment, pour la saveur et la couleur, acide phosphorique, arôme naturel, caféine, bien sûr, extrait de stevia. Stevia, qui est une alternative au sucre qu'on a déjà vu. Je vais juste aller voir rapidement. Évidemment, le produit est tout nouveau pour moi, donc je connais pas nécessairement tout de ça. Donc, tu as deux sortes de sucre. Tu as du sucre normal. C'est intense. Et du stevia. Stevia qui est un... c'est dans la... attends un petit peu. C'est un genre de la famille des astéracées qui regroupe 240 espèces d'herbes aromatiques ou d'herbes ruisseaux. Donc, quelques-unes contiennent des édulcorants naturels. Donc, on parle quand même d'un édulcorant comme le sucralose, mais qui, j'imagine, vu qu'il est en plus petite quantité, c'est le dernier des ingrédients, va vraiment peut-être passer derrière le goût du sucre et paraître mais peut-être non, pas. Mais c'est parce que ça fait juste goûter le sucre. C'est ça. C'est une option pour le sucre. Là. C'est un édulcorant. Mais je sais pas... Si, en tout cas, je sais que c'est un pouvoir sucrant beaucoup plus élevé que le sucre, un peu comme le même principe que le Splenda, là, le sucralose traditionnel, là. Sauf que je pense qu'il n'y a pas l'arrière-goût du Splenda. Là. OK. Cool. Donc, je vais aller sur Wikipédia lire un petit peu. Tiens, ça m'intéresse soudainement d'aller voir ça. Je ne savais pas qu'il y avait une page juste pour celle-là. Donc, c'est une boisson gazeuse à saveur de cola. On dit à saveur de cola. Qui est donc sucrée avec... ça me dit quand même avec du sirop de maïs, high fructose corn syrup, en plus du sucre, en plus de l'acide sulfame de potassium et du sucralose. Tout ça pour sucrer. Mais si il peut écrire sur ta canette, c'est parce qu'il ne doit pas en avoir dedans. En minuscule quantité peut-être pour combiner avec. Mais j'avoue que, tu sais... les ingrédients, quand ils sont tous à un certain pourcentage, je crois qu'ils sont peut-être pas obligés de l'écrire. Hein? Aucune idée. Par portion. Parce que ici, les portions sont par canette. Peut-être que si c'était dans un 2 litres, proportionnellement parlant, peut-être qu'il faudrait qu'ils l'écrivent parce qu'en pourcentage, ça monte au-dessus de la limite. Je pense que les ingrédients, t'es obligé, mais t'es pas obligé d'écrire les quantités. Ah, d'accord. Mais je pense qu'il faut que tu les écrives toutes parce que si c'est une allergie puis que tu l'as pas écrit, tu te protèges pas bien avec ça, je pense. Tout à fait, bon point. Donc, c'est produit par PepsiCo. Le marketing est adressé à ceux qui boivent le Pepsi normal et non pas à ceux qui boivent le Pepsi diète. C'est vraiment pour réduire le Pepsi que vous prenez d'habitude et non pas pour monter d'une coche, évidemment, quand tu prends du diète ou... peu importe, tu vas avoir plus de sucre dans celle-là, donc ce serait pas très rentable pour eux. Le marketing est vers les gens qui boivent Pepsi normal. Et c'est fait évidemment pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas le goût de Pepsi diète. C'est quelque chose que je déteste dans la vie, c'est bien Pepsi diète. Je trouve que ça, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est parce que ça goûte le sucralose. J'aime pas le sucralose dans aucun produit, c'est normal pour bien les gens. Pour ceux qui n'aiment pas aussi le Pepsi One, le Pepsi Max et d'autres colas diète, donc vraiment, on est rendu avec beaucoup de produits dans la gamme Pepsi. OK, j'ai d'autres informations encore plus sur Wikipédia qui m'intéressent. La version australienne et canadienne de Pepsi Next est sucrée avec un extrait de stevia et n'a aucun sucre artificiel. Et le marketing est 30% moins de sucre. Donc, la formule au Canada n'est pas la même que celle aux États-Unis. C'est pour ça qu'on parlait tantôt de sirop de maïs dans la version américaine. Ah, OK. On se comprend. Je pense qu'on a assez parlé et le temps file. On ne voudrait pas défoncer trop dans notre case horaire. Donc, je te laisse ouvrir ça dans le micro magique de ton côté. Attention, c'est une canette de Pepsi Next, version canadienne, bien sûr. On ne savait pas qu'il y avait une différence entre la version américaine et la version canadienne, mais c'est maintenant su. Je baisse la trame et on y va. Évidemment, la technique du tapotage pour enlever les... Ouh, ça, c'est plaisant. Ça, c'est un son qui me fait plaisir, Stéphanie. Oui. Moi, ça m'écœure. C'est un petit peu trop plaisir, d'ailleurs. Parce que j'aime pas les boissons gazeuses. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit dès le départ que t'allais me détester ce matin. Du moins, pas les brunes. Ça va m'arriver à l'occasion, un petit Mountain Dew. C'est pas mal, ça. Mais bon. Donc, t'as pas vraiment d'expérience, tu pourras pas peut-être comparer avec le Pepsi normal. Ben, j'en ai déjà bu, mais de mémoire, je pourrais pas te dire, là, bien entendu. Donc, est-ce que tu y vas en premier? Si tu veux, ça va être difficile de passer ça un peu. Donc, j'ai bien hâte de savoir ce que toi, tu vas en penser, parce que toi, je pense que t'es vraiment le pro des boissons gazeuses. J'en ai bu une avant-hier. Une Pepsi normale. Attention, j'y vais. OK. OK. Moi, c'est différent quand même comme goût, mais c'est un bon goût. Ça me rappelle presque le RC Cola, quelque chose comme ça. On dirait le goût est comme pas le même RC, sucre. RC Royal Canoe? Royal Canoe Cola. Royal Crown, je pense, Cola. On dirait que ça me rappelle une liqueur qui serait pas un Pepsi en tant que tel. T'sais, ah, OK. C'est assez différent du Pepsi normal, je trouve. Mais comparativement au Coca-Cola, par exemple, est-ce que tu pourrais me donner ton avis? Le Coca-Cola, ce que j'aime, c'est qu'il est particulièrement pétillant, on dirait. Ce Pepsi Next-là, on dirait, n'est pas si pétillant que ça. Les bulles sont pas super présentes. Mais écoute, moi, premièrement, je suis pas capable de reconnaître Coca-Cola, Pepsi. OK, non, ça, je suis capable. Ça, moi... Pour moi, c'est toute la même chenoute. Chenoute, la boîte. Mais je trouve qu'il y a un arrière-goût étrange, moi. C'est vrai que je remarque aussi un léger arrière-goût. Pour vrai, t'as l'impression de boire une liqueur peut-être bas de gamme ou de dépanneur ou que t'achèterais au coin de la rue sans vraiment te soucier de la marque pour ceux qui préfèrent juste la liqueur brune sans vraiment prendre du Pepsi. Ça me rappelle un peu ça. Puis honnêtement, là, je pense que t'as raison. On dirait qu'elle est flat. Je sais pas ce qui s'est passé avec le processus de gazéification. Quand ils ont mis les gaz dedans, là, je sais pas ce qui s'est passé. Et ça me fait moins roter. Tu vois, parce que quand tu bois de la liqueur, évidemment, t'as pas le choix de roter. Et celui-là m'a pas fait roter en tant que tel. Mais je sais pas, on dirait que c'est des bulles microscopiques. Oui. Un peu comme la Molson M, là, qui est supposément micro-gazéifiée. Trois fois ou je sais pas trop quoi. Là. Genre, il y a plein de sortes de bières en ce moment qui sont micro-brassées à plusieurs reprises. Non, mais là, c'est micro-gazéifié. Ouais. Donc, j'ai l'impression que c'est le même processus, mais je sais pas. Ce serait un bon marketing, justement, de dire qu'elle a été vraiment, tu sais, micro-gazéifiée pour avoir des petites bulles qui vont venir chatouiller votre gorge. Mais non, elle a l'air d'être restée sur une table pendant une bonne 15-20 de minutes. C'est encore bon, vous le savez, si vous avez goûté du Pepsi après 15-20 minutes, sauf que c'est pas aussi pétillant, c'est pas aussi rafraîchissant. C'est sûr que là, elle était pas à sa température optimale, elle était dans une boîte à lunch avec un ice pack. Mais quand même, les bulles, ça n'a aucun rapport avec la température. C'était correct. Un sucre différent, mais quand même plaisant. J'en rachèterais probablement pas. Parce qu'il y a une version meilleure à ton goût. À mon goût, tant qu'à boire de la liqueur, je préfère en boire moins, mais la vraie. c'est sûrement que le marketing est envers les gens qui boivent, mettons, 2 liqueurs par jour, 2 canettes de liqueur. Les Américains font tout ça, au moins 2 ou 3 canettes mais de liqueur par jour. Mais justement, ils vont s'en sacrer de réduire leur quantité de sucre. Tu vois, mais tu sais, des fois, quand t'es conscient peut-être de tes calories, tu commences à dire... Si t'es conscient, arrête d'en boire. Ben, c'est ça, ou passe aux diètes, mais encore là, c'est une question de goût. 30%, c'est vraiment pas beaucoup. S'ils m'avaient dit, tu sais, c'est la moitié des calories, ou c'est comme Pepsi One, que j'ai dit tantôt, qui est pas disponible au Québec, mais qui est disponible aux États-Unis, c'est une seule calorie, et c'est une autre formule qui est pas la même que Pepsi Diet. Au moins, essaie ça avant d'essayer Pepsi Next, qui est juste 30%, c'est presque rien. Ça pourrait être une transition. Oui. Mais... Une transition, c'est bon, ça. Mais sinon, le plaisir est pas vraiment là. Non, et j'ai encore un petit peu l'arrière-goût sur la langue en te parlant en ce moment. C'est pas l'arrière-goût du diète qui, lui, peut rester pendant des heures. Ça, c'est à cause du sucre à l'autre. Je déteste. Malgré qu'il y a un arrière-goût de sucre étrange. C'est le stevia, sûrement, non? Probablement. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai jamais... Je pense pas avoir consommé ça ailleurs. Non. Donc, je pourrais pas dire, mais il y a vraiment un arrière-goût étrange. Mais bon, le verdict est quand même que c'est un genre... D'après moi, ça pognera vraiment pas parce que, comme j'ai dit tantôt, il y avait diète Pepsi, Pepsi régulier, Pepsi One, Pepsi Max et là, Pepsi Next. Ça fait quoi? 5 sortes? De Pepsi. S'il y en a une qui va partir, ça va être celle qui est la plus récemment arrivée, d'après moi. Donc, ça ne durera peut-être pas. D'après moi. Bon, ben, coudonc. C'est comme ça, il fallait l'essayer. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, là, c'est genre cette semaine, parce que j'ai commencé à voir les pubs cette semaine. Le marketing est maintenant. J'ai quand même de la difficulté à comprendre quel est son public cible. Oui, moi aussi. C'est vraiment juste, comme tu as dit, un public de transition. Je vois pas comment quelqu'un pourrait s'attacher à cette sorte-là, Pepsi Next, pour genre le reste de sa vie et dire « Moi, maintenant, je bois du Pepsi Next. » Aucune idée. C'est cute, et, là. Non, je sais pas, il y a pas grand-chose non plus pour s'identifier. Non. C'est vraiment raté de ce côté-là, côté public cible. Peut-être que si la canette avait été rose. C'est vrai, elle est un genre de, on l'a pas décrit tantôt, mais c'est vrai qu'elle est un genre de bleu métallique comparé à un bleu foncé pour Pepsi normal à un gris pour Pepsi Diet. Je crois qu'on a noir foncé et rouge. Ben, noir foncé. Un noir. et rouge pour Pepsi Max. Et Pepsi One, il me semble que c'était aussi un genre de bleu comme ça. Donc non, ça vient se fondre dans le décor. D'après moi, si les gens les achètent, ça va être un peu comme... Par erreur. Ma grand-mère, dans le temps, achetait du Pepsi ou du Coca-Cola sans caféine, sans faire exprès, parce que la bouteille ressemblait beaucoup. Elle n'était pas encore dorée dans ce temps-là. Ah. Donc on avait du Pepsi sans caféine. Ce qui existe aussi, c'est vrai, Pepsi sans caféine, à quelque part. Je pense qu'ils ont ça. En tout cas, Coke le fait. Voilà donc pour Pepsi Next. Et mon haleine a l'air bizarre aussi par rapport à... Je sais, là. Reviens-en, là. C'est peut-être le chanvre. Peut-être le chanvre, là. Bref, voilà pour le test du Pepsi Next. C'est sûr qu'en mélangeant des produits un après l'autre, surtout des produits qu'on boit, peut-être que l'un vient se confondre dans l'autre. Tu sais, tantôt, j'ai dit qu'il y avait un petit goût dans le lait de chanvre que je crois que c'est le verre de carton que je goûte avec mes lèvres. Probablement. Fait que, tu sais, des fois, on n'est pas des experts non plus. On ne sait pas vider la langue ou nettoyer ça, désinfecter. Donc voilà pour la bouffe et la malbouffe de la semaine. On fait ça tous les jeudis en fin d'émission à Sondage Ricky. C'est ce qui termine notre semaine. Ben oui. Comme ça. Parlant de terminer la semaine, ben c'est là que se termine l'assemblage requis pour aujourd'hui. Oh. C'est comme ça. On remercie bien sûr Véronique Mire pour sa chronique Le Véronictionnaire. Oui, ça fait du bien ça. Tellement la lettre H qui va continuer la semaine prochaine. Ensuite, Joanie Gagnon, Fanny Saint-Gelais et les gars de Mimi Van Der Glo pour leur participation à l'émission. Ils sont à écouter en spectacle ce soir 19h au cégep de Trois-Rivières sur le boulevard La Violette. À ne pas manquer. Don't miss it. Et finalement, François Landry avec sa chronique Logocratie 101 qui était avec nous bien sûr et qu'on apprécie énormément. Lundi à l'émission, c'est un fait. Et on va commencer notre couverture des élections à la GEQTR. Donc soyez-y, c'est lundi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Sur nos ondes, aujourd'hui, bien sûr, le dîner de con avec Denis Janvier, lui qui va faire sa bière de la semaine, la version originale et la meilleure de ce qu'on a fait tantôt. Après ça, il y aura Mademoiselle Blues à 13h. Nous, on va être de retour à 15h pour les Palmarès C'est fou. Oui. Ça, on va avoir du plaisir. À Livre ouvert, 13e étage et la nouvelle émission Radio Sonic, donc à partir de 21h. Dans quelques instants, dans moins d'une demi-heure, presque 20 minutes, ce sera Les Belles et les Bêtes, l'émission de variété. Bon, hey, je pense à ça, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense à ça. Ouais, mais je pense à ça, ouais. Là. Si PKP, là, c'est comme une bombe dans le Parti québécois, là, on va-tu être obligé d'appeler Calinette après ça? Bonne soirée.